Bon, chers collègues, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce soir, tous nouveaux déjà, pour une année formidable, passionnante, une année prétexte particulièrement féconde. Donc nous démarrons en fanfare ce soir, propre comme une figurine, puisque nous allons parler de genre mixte, du rôle de la musique, du rôle de la danse dans les pratiques scéniques. Et je remercie évidemment Marie-Thérèse Mouret d'avoir accepté de se charger de cette séance et d'avoir convié pour nous deux invités qu'on se réjouit d'écouter. Avant de vous donner la parole, une ou deux informations. La prochaine séance, comme vous le voyez sur ce petit document fort bien fait grâce à Sylvia, merci. Comme vous le voyez, ce petit document fait état des dates qui vont nous occuper. Et donc la prochaine séance est programmée comme prévu pour... Mais il y a eu un changement par rapport à ce qu'on avait annoncé en tout début d'année. Donc est programmée pour le 19 février. Elle nous réunira autour de Clotilde Touret et de ses invités pour se poser cette question centrale. Qu'est-ce qu'on garde de ou dans la représentation théâtrale? Voilà. Des annonces de colloque. Oui, nous avons aussi la journée du 1er mars, vendredi 1er mars, à Serpente, la salle D40, la journée comédien-auteur du 8e et du 19e siècle, organisée par Georges Forestier. C'est la deuxième journée, l'année dernière, en juin de l'année dernière, il y avait la séance dédiée à l'époque 16e, 17e siècle. Donc la prochaine séance concernera l'activité des auteurs, des comédiens, auteurs et théoriciens en Italie, Espagne, France et Angleterre. Les programmes n'est pas encore prêt. Nous avons une réunion dans les prochains jours et évidemment on va vous l'envoyer sur la main list du Pritex. Et après fin mars, il y a les colloques que Clotilde Touret organise, les dramaturges sur l'auteur sur scène. Est-ce que tu peux déjà indiquer les dates? Il y a encore un petit peu provisoire, donc il va être très vite diffusé. C'est le jeudi 21 et le vendredi 22 mars. Le jeudi 21, ça sera en Sorbonne, en salle J636. Et le vendredi, ça sera à la maison de la recherche, en salle D040. Voilà. Et ça commencera à 9h30, 9h15 l'été. Ce sera assez long. Il y a quelqu'un qui se déplacera à Rome. Il y a la deuxième partie du colloque organisé avec la Sapienza qui aura lieu les vendredis 8 et les samedis 9 février. Et les colloques sur l'antiquité dans le théâtre du 18e siècle et du 19e siècle. Voilà, rappelez également que nous avons participé, le Pritefs, à la journée très réussie de Marielle Silhouette sur Max Reinhardt, c'était le 20 décembre. Il y a donc un programme là, de recherche qui est lancé, que le Pritefs y est associé, et que je vous invite donc à prendre contact avec Marielle Silhouette, qui est maintenant professeure à Paris-Ouest Nanterre, si vous vous intéressez à Max Reinhardt et aux travaux qui vont se mener dans ce cadre. Alors, merci mille fois, Marie-Thérèse, d'avoir accepté de t'occuper de cette séance et de recevoir donc Bertrand Porot, que nous sommes enchantés d'accueillir ici, et Emanuele De Luca, que nous connaissons depuis longtemps, mais néanmoins que nous sommes ravis d'entendre. Voilà, je te donne. Eh bien, merci. C'est moi qui suis vraiment ravie, très honorée, très heureuse et en même temps un petit peu inquiète et angoissée, parce que, pour le dire clairement, je ne suis pas franchement spécialiste uniquement de théâtre, mais bon... de pratique scénique, mais c'est quand même quelque chose sur lequel je travaille et qui m'intéresse. Et donc, je remercie beaucoup les organisateurs, enfin les responsables de ce séminaire, de m'avoir fait cette proposition malhonnête, mais très, très stimulante. Et conformément au thème général retenu cette année pour le séminaire interdisciplinaire, à savoir la notion de spectacle en perspective, cette séance aujourd'hui nous réunit autour, non pas d'un texte de théâtre qui est dit par des acteurs, mais autour des diverses pratiques scéniques qui constituent un spectacle, même si ces pratiques ne se déroulaient pas forcément sur une scène au sens où on l'entend aujourd'hui. Ce que nous allons interroger plus précisément à travers les deux interventions que nous allons entendre, ce sont les expressions non verbales, en particulier le rôle de la musique, du chant, de la danse et de ce qui va avec, c'est-à-dire le geste et la pantomime, et ce dans les pratiques des genres dits mixtes à l'époque moderne. Donc pour aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur le XVIIIe siècle, mais on peut l'étendre dans une certaine mesure ou à la fin du XVIIe, voire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors les deux intervenants qui ont accepté de présenter leurs travaux et que j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui ont en commun de travailler sur les pratiques scéniques en vigueur en France au milieu du XVIIIe siècle, à l'opéra comique et à la comédie italienne. Alors je vais présenter tout d'abord, parce que pour des raisons de contrainte de temps, et c'est lui qui va parler en premier, Bertrand Porot, qui est musicologue, actuellement maître de conférence à l'université de Reims, je crois que c'est Champagne-Ardenne-Reims, et tout fraîchement habilité à diriger des recherches, ça date du 4 décembre dernier. Ses recherches portent en général sur la musique française au XVIIe et au XVIIIe siècle, et son travail original d'habilitation avait trait à l'histoire institutionnelle et artistique de l'opéra comique dans la première moitié du XVIIIe siècle, ce qui inclut bien sûr le lien avec les foires parisiennes de Saint-Germain et de Saint-Laurent, des institutions qui sont donc d'abord et avant tout des entreprises de spectacle. Et c'est de théâtre musical que Bertrand Porot va nous parler avec une intervention intitulée « Nouvelles approches d'un spectacle mixte, l'opéra comique dans la première moitié du XVIIIe siècle ». À ma droite, Emmanuel De Luca, qui est doctorant en études italiennes, qui effectue sa thèse en co-tutelle. Alors, Pise, je ne connais pas le nom du directeur de thèse, mais à Paris-Sorbonne, tout le monde le sait, c'est Andrea Fabiano, ici présent. Et cette thèse qu'il doit en principe achever très prochainement, à moins qu'il l'ait déjà terminée pendant les vacances de Noël. Non, pas encore, mais ça va arriver. porte sur la comédie italienne à Paris et se concentre particulièrement sur la carrière de François Riccoboni, acteur franco-italien et paradigme de la rencontre artistique et stylistique entre France et Italie. Il s'agit d'un point très important que j'espère on va pouvoir développer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un style français et un style italien ? On lui doit déjà la publication d'un passionnant répertoire de la comédie italienne de Paris, 1716-1762, qui comporte une copieuse introduction et l'ouvrage est consultable sur le site de l'IRPM. Il va nous présenter ce soir quelques réflexions autour de la présence de la danse et du ballet pantomime, un concept un peu fou qui nécessite d'être défini un peu plus précisément, au Théâtre des Italiens à Paris vers 1730-1740, et se penchera plus particulièrement sur un spectacle donné par François Riccoboni, Les Muses Galantes, je crois que c'est 1739, hein, c'est ça ? Un des rares ballets pantomimes qui ait laissé des traces, car des autres, il ne subsiste souvent que le titre. En étudiant les possibles enjeux de la mise en scène de ce spectacle bien avant Nevers. Et son intervention est intitulée « Sous la perspective de la danse, la comédie italienne de Paris au XVIIIe siècle et les muses rivales ». Donc dans les deux cas, qu'il s'agisse de théâtre musical ou de théâtre dansé, ce qui est au cœur de nos réflexions de ce soir, c'est la dimension de performance qui est propre au spectacle et les relations entre les différentes expressions esthétiques qui sont unis au sein d'un système où la plurimédialité qui forme la base de ce système est mise au service d'une dramaturgie particulière. Notre questionnement aura trait également à ce qui constitue notamment les ressorts du comique musical ou dansé ou mimé. Même s'il n'est pas inutile de vouloir revaloriser des formes de spectacle trop souvent dévalorisées, un aspect essentiel de ce questionnement, je le disais à l'instant, a trait à la question des styles, qui la plupart du temps opposent italien et français. Alors la querelle est évidemment bien connue pour la musique, je pense qu'elle l'est beaucoup moins pour la danse et pour la pantomime. Or la danse est un art relativement jeune, par rapport à la musique ou à l'art de l'acteur, l'art du geste qu'un acteur se doit de dominer, et elle se trouve précisément au croisement des traditions italiennes et françaises. Et un récent colloque qui a eu lieu à Versailles, organisé en collaboration avec le Centre de musique baroque de Versailles, le Centre de recherche du Château de Versailles et la très dynamique association pour un centre de recherche sur les arts du spectacle, a permis de faire le point sur les spécificités de ce style français, espagnol, italien, etc. Alors, pour ma part, je serai très modeste. Je me contenterai de proposer peut-être quelques phrases de commentaires et un éclairage ponctuel et extérieur à partir de la situation des spectacles dans l'espace germanique. Car précisément, les deux modèles principaux, français et italien, auxquels il faudrait quand même ajouter le modèle des comédiens itinérants anglais, qui sont très importants, oui. Ils sont présents et leur réception contrastée donne lieu à des débats vifs et passionnés sur le sens et les implications de leur reprise. Le contexte général en est, dans cette première moitié du XVIIIe siècle, une phase d'institutionnalisation de théâtre et de scènes d'opéra à vocation commerciale, qui connaissent de grandes fluctuations, dues tantôt à des échecs. Alors c'est le cas de l'Opéra de Hambourg, qui est fondé en 1678 et qui s'arrête en 1728 et définitivement en 1738, et tantôt au contraire à des succès, comme dans la ville de Nuremberg, où là c'est tout à fait intéressant parce que c'est un Italien qui s'y illustre, même un Vénitien d'origine, Gregorio Lambranzi, qui est passé par la France et qui publie en 1716 une sorte de manuel, la Scuola di Balli Teatrale, qui est accompagné de gravures dues à Johann Georg Puschner. Alors j'ai amené mon exemplaire photocopié que je peux faire circuler si ça intéresse des gens pour avoir, en l'absence de PowerPoint, on aura quand même quelques images. Et ces gravures constituent précisément un témoignage tout à fait précieux sur les pratiques scéniques alors en vigueur, qu'il s'agisse au sens étroit du terme des danses, des postures, des mouvements des personnages représentés, mais aussi de leurs vêtements et de leurs indispensables objets référentiels, là on pense bien sûr à Arlequin ou au matelot, des décors, des types de musique employés, puisque sur cette, dans ce manuel, il y a une phrase, une ligne mélodique qui est indiquée sur toutes les feuilles. Voilà, donc comme je l'ai indiqué, pour des raisons matérielles, nous commençons par l'intervention de Bertrand Porreau. Et contrairement à ce qui se fait en général ici dans ce séminaire, où on choisit de faire parler des deux intervenants et de grouper la discussion, on a choisi là de proposer quand même une discussion après l'intervention de Bertrand Porreau pour qu'il puisse s'échapper et nous quitter vers 19h15. Voilà Bertrand, je te donne la parole. Merci beaucoup. D'abord, je remercie les organisateurs et particulièrement Marie-Françoise m'avoir invité à ce séminaire dont j'avais déjà vu le programme sur internet, donc il me semblait très intéressant. Je dois vous quitter parce que j'ai un spectacle, c'est un ballet de cours, c'est pas la même période. Alors tout d'abord je dois m'excuser parce que j'avais préparé un beau PowerPoint et qui me servait de support à la conférence et n'était pas possible de passer, c'est de ma faute, j'aurais dû le prévoir avant. Donc, si vous voulez, je vais compléter par la parole et le geste, s'il le faut, le chant, je ne sais pas. Mais, donc, à propos de l'opéra comique. Alors, j'ai choisi d'étudier le premier opéra comique. Hein, c'est un peu, si vous voulez, ce que je vais vous donner des éléments de ma recherche qui a été faite pour non seulement mon mémoire original du HDR, mais pour un livre qui va être publié chez Vrin dans la collection Musicologie. Donc, par premier opéra comique, j'entends les spectacles qui se tenait dans deux foires parisiennes, la foire Saint-Germain en hiver et la foire Saint-Laurent en été. Et jusque, alors à peu près à partir de la fin du XVIIe siècle jusqu'à, en gros, si vous voulez, la querelle des bouffons, disons, tout du moins, moi je me suis arrêté à la fin de la régie de Jean Monnet, qui s'occupait de l'opéra comique jusqu'en 1757. Et qui est aussi l'apparition à ce moment-là d'un autre type d'opéra comique dont je vous dirai quelques mots. Donc si vous voulez, vous avez une période qui est fondée principalement sur un spectacle qu'on appelait l'opéra vaudeville, l'opéra comique à vaudeville, et qui disparaît petit à petit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc j'ai pris cette période-là parce qu'elle était peu travaillée, elle comporte des études, alors chez les littéraires, des études très importantes et déjà fouillées hein, par des pionniers depuis les années 80, comme David Trott, Nathalie Rizzoni, Françoise Rubelin, etc. Mais au niveau, au point de vue musicologique, très peu travaillée avec des études fragmentaires et dû aussi, ce manque, je pense, de connaissances de cette période est dû aussi à l'état des sources musicales qui sont extrêmement difficiles à réunir. Il n'y a pas de musique originale en tant que telle, si vous voulez, ce qu'on appelle des vaudevilles, c'est-à-dire des chansons qui sont écrites sur un timbre préexistant, sur une ancienne chanson, on réécrit des paroles pour en faire l'ossature du spectacle. Donc ça n'a pas eu l'heure de plaire aux musicologues et c'est sans doute ces sources musicales un peu méprisées, il faut le dire, ont expliqué le manque d'intérêt pour cette période. Et l'autre explication, je pense, c'est dû à la complication institutionnelle de ces théâtres qui vivent dans des querelles et des attaques, si vous voulez, des scènes officielles qui font que leur histoire est très complexe parce que l'histoire alterne entre ouverture, fermeture, interdiction, etc. Alors, le titre du séminaire, ça m'a beaucoup interrogé parce que je me suis dit d'abord, est-ce qu'on peut parler de genre mixte à l'époque ? Et qu'est-ce que c'est qu'un genre mixte pour nous ? En tout cas, pour le XVIIIe siècle, mettre de la musique dans un spectacle, c'est tout à fait normal. Pour eux, ce n'est pas une mixité. Vous l'avez, les exemples sont très connus des comédies à divertissement. Les comédies de la Comédie française comportent toujours des divertissements. C'est le cas de Marivaux, par exemple, où il y a donc des musiques pour les pièces de Marivaux, et soit entre les entractes, soit en finale de pièces. Donc ça, ce n'est pas une mixité. En revanche, pour la foire, je pense que le terme s'applique tout à fait, et je parlerai même de spectacle composite, mais non pas par une démarche théoricienne, si vous voulez, pas en disant bah, tiens, on va faire un opéra comique, on va d'abord théoriser en disant ça serait bien de mélanger musique, danse, des vaudevilles. Non, pas du tout. En fait, la dramaturgie de ce spectacle est extrêmement pragmatique. Parce que, par exemple, on chante parce que la Comédie française interdit de parler. Hein, vous connaissez le système des privilèges, hein, je ne vous rappelle pas, enfin, sauf si je regarde bien. Les théâtres de la foire sont coincés entre le privilège de la Comédie française qui donc, interdit les comédies dialoguées et le privilège de l'opéra qui interdit la représentation de danse et la représentation de musique, et surtout de musique originale. Alors, quand je parle des théâtres de la foire, c'est en effet le pluriel est important parce qu'il n'y a pas un seul théâtre de l'opéra comique, hein, même encore du temps de Monet, ça se finira vraiment qu'en 1762, lors de la réunion de l'opéra comique et de la comédie italienne, il y a plusieurs théâtres et plusieurs salles d'ailleurs. Et donc on parle des théâtres de la foire et des théâtres de la foire parce que ces théâtres étaient installés dans les deux foires parisiennes dont je viens de vous parler, la foire Saint-Germain donc, qui commence en février, qui se poursuit jusqu'à Pâques, et la foire Saint-Laurent qui a lieu en été. Et donc les théâtres s'ouvrent au moment de ces foires. Donc on parle communément des théâtres de la foire. Mais en parlant en utilisant ce terme, il y a beaucoup de musicologues, disons du 19e siècle, puisque maintenant les musicologues sont éclairés, peut-être grâce à mes travaux, je ne sais pas. Mais disons qu'il y a beaucoup de musicologues qui sont mépris, vous voyez, sur ce thème de foire et de forain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès la fin du XVIIe siècle, s'est institué un spectacle particulier qu'on appelle l'opéra comique. Et le terme apparaît très nettement en 1714 pour qualifier une troupe de théâtre de la foire qui s'appelait la troupe d'opéra comique. Opéra comique dans le premier sens du terme, c'est-à-dire un opéra sous forme comique, c'est-à-dire des parodies d'opéra, qui se moquent de l'opéra, mais qui a présenté aussi des comédies. Et en fait, il faudrait plutôt que de parler des théâtres de la foire, parler de l'opéra comique. Ça serait plus juste, vous voyez, depuis la fin du XVIIe jusqu'à la réunion avec la comédie italienne. Alors ça, c'est déjà aussi un problème auquel je me suis confronté, parce que moi-même, quand j'abordais ce sujet, j'avais comme un espèce de regard assez dédaignant, en me disant, ce que des théâtres forains, c'est amusant, il y a des tas de spectacles, il y a des danseurs de cordes, il y a du cirque, il y a des marionnettes, du mime, de la pantomime. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en tout cas, on voit très bien l'évolution au XVIIIe siècle pour un théâtre de comédie, certes, un ton particulier qui est fait d'insolence, de fantaisie, mais qui se polisse de plus en plus avec très nettement la volonté de Jean Monnet. Alors Jean Monnet, c'était le directeur de l'opéra comique. Il a dirigé de 43 à 44, puis ensuite l'opéra comique a fermé en 45, et il a redirigé de nouveau en 51 jusqu'en 57, puisque l'opéra comique a eu le droit de rouvrir, et la complexité. Et c'est sous son règne, je pense, que vraiment il y a eu un tournant très important pour des spectacles fastueux et d'un esprit plus raffiné qu'auparavant. Et Jean Monnet lui-même, dans ses mémoires, il prétend avoir réformé l'opéra comique, ce qui est un petit peu, qui n'est pas tout à fait vrai. C'est, si vous voulez, c'est toujours un argument publicitaire en disant, regardez avant moi comme prédécesseur, comme ils étaient mauvais, moi j'amène tout ce qu'il y a de bon, etc. Mais il y a vraiment chez lui une volonté d'écarter certains éléments forains, et d'ailleurs un élément spectaculaires des spectacles. Il faut bien avoir conscience que les comédies à l'Opéra Comique commençaient par exemple par des danses de cordes. Ce sont des grands numéros d'équilibristes. Alors, je vous avais préparé une magnifique miniature peinte où vous voyez des danses de cordes dans la salle elle-même. Hein, ce sont des femmes et des hommes qui dansent sur la corde, qui sautent. Et c'est vraiment comparable, je pense aussi, à débuter par ce type de, vous voyez, de numéro qui, évidemment, accentue le caractère extrêmement composite de ces soirées. Alors, pour en revenir à mon plan, voilà. Donc, je vais plutôt vous donner des éléments issus de ma recherche, en rendant encore hommage donc, à tous les chercheurs en littérature qui ont réhabilité ce genre des comédies à vaudeville, et donc moi, en m'occupant du volet plutôt du spectacle et de la musicologie. Alors, on a l'habitude de dire, mais c'est bon, c'est une date qui est commode, mais bon, c'est un petit peu arbitraire, que les comédies à vaudeville, non pas à vaudeville, pardon, les comédies foraines sont apparues après le départ des Italiens en 1697. Les forains, donc certaines troupes foraines qui étaient plutôt consacrées à des danses, des pantomimes, des numéros de cirque et quelques petites comédies, vous voyez, qui faisaient un fil entre les numéros, donc ont eu l'idée de reprendre le répertoire des Italiens qui étaient partis et pour partie le répertoire et pour partie leurs personnages et de représenter donc ce type de comédie en français. Ça, c'était en 1697 et dès 1698, la comédie française est montée au créneau et a commencé à fomenter les interdictions, à vouloir interdire ces spectacles, etc. Et donc, vous voyez, dès la fin du XVIIe, c'est-à-dire dès 1698, jusqu'à pratiquement la régie de Monet, vous voyez, jusqu'en 1757, sont des luttes incessantes entre la comédie française principalement, pour aller vite, et donc ce qu'on appelle les théâtres forains, c'est-à-dire les débuts de l'opéra comique. Alors, très vite, de son côté, l'opéra va mener une politique assez intéressée. Il semble être un allié des théâtres de la foire, mais en fait, il vend son privilège. C'est-à-dire qu'il donne l'autorisation au théâtre de forains de représenter des comédies. Alors, étant donné que la comédie française avait interdit de parler, on chante. Ensuite, quand on interdit de chanter, quand les acteurs sont interdits de chanter parce que l'opéra trouve que finalement ils vont trop loin, par exemple, donc on crée ce qu'on appelle des pièces à écriteaux. Il y a des écriteaux qui descendent des cintres et qui sont donc mimés par les acteurs. Vous voyez, d'où l'importance de la pantomime qui arrive très tôt à la foire. Ça, c'est dès les années 1710, 1715. Donc, les écriteaux descendent des scènes et les paroles des vaudevilles donc, sont sur ces écriteaux qui sont mimés et repris par le public. Alors, c'est ce qu'on dit dans les histoires de la musique pour aller vite, mais en fait, c'est plus compliqué qu'un public chantant. Il y a en fait des chanteurs qu'on appelle les gagistes parce qu'ils sont engagés par les théâtres pour ces spectacles-là, ils sont engagés au coup par coup, si vous voulez. Des gagistes sont parsemés dans la salle et chantent les écriteaux qu'on va descendre des seins. Alors c'est très efficace parce qu'on a fait la restitution à Nantes dans le colloque qui a eu lieu sur la parodie d'opéra organisée par Françoise Rublin. Et en fait, il y avait un PowerPoint à la place des écriteaux. Vous voyez, alors à chaque vaudeville, ça changeait. Et il y avait des chanteurs qui étaient dans la salle. Et en fait, ça fait un effet très surprenant parce qu'on a l'impression que le chant vient de la salle, mais en fait, c'était des très bons chanteurs. On comprend très bien ce qui se passe et le mime éclaire. Oui. Alors ça, c'est alors, est-ce qu'on peut parler de genre? Je ne sais pas, mais disons une technique théâtrale spéciale, les pièces à écriteaux, qui cohabitent donc avec les comédies à vaudeville. Donc, puisqu'on ne peut pas parler, on va chanter et on n'a pas le droit d'utiliser la musique originale parce que l'opéra le privilège. Donc on réutilise des musiques, connues du public, ce qu'on appelle donc les vaudevilles. Très vite, dans les 10 premières années du XVIIIe siècle, va s'instituer une espèce de dramaturgie particulière qui peut caractériser l'opéra comique quand il est chanté, bien sûr. C'est donc un opéra comique qui repose sur des vaudevilles avec un mélange de textes parlés pour faire des liaisons ou alors pour éviter d'employer des timbres trop souvent les mêmes timbres, si vous voulez, les dialogues parlés. Et en fin d'acte ou en fin de comédie, si elle en a un acte, un divertissement chanté et dansé pour lequel on fait appel à un compositeur. Il y a tout de même des musiques originales dans ces comédies, et en fin d'acte, qui rappellent un peu la structure des comédies à divertissement de la comédie française. Vous voyez, c'est curieux parce qu'il y a une espèce d'imitation de leur ennemi, mais ces parties-là sont originales. Mais j'ai étudié donc dans un article à peu près toutes les musiques originales, toutes les musiques originales du recueil. Alors vous avez donc un recueil qui est très connu, c'est le théâtre de la foire ou l'opéra comique de Le Sage et d'Orneval qui ont rassemblé des comédies alors j'ai mes notes sous les yeux, j'ai plus les dates, mais enfin à peu près du premier tiers du XVIIIe siècle en 9 volumes et il y a un 10e volume qui est de Carolet. Et donc à la fin de ces volumes figurent les airs notés, les airs de musique des vaudevilles et les musiques originales des compositeurs. Et donc vous avez un compositeur qui est le plus associé à la foire, c'est Jean-Claude Gillier, G-I-2-L-I-E-R, qui donc compose la majorité de ses musiques. Jean-Claude Gillier est également compositeur pour la Comédie française. Et ces airs originaux donc, possèdent donc un caractère lyrique très léger. Vous voyez, c'est une musique qui est proche des on pourrait dire, on pourra aller vite des chansons populaires, bien que j'aime pas trop ce terme, mais disons des styles même de vaudeville. Mais l'intérêt de ces divertissements, et là je viens donc au problème dramaturgique, c'est qu'au cours du XVIIIe siècle, ils vont se développer de plus en plus. Et donc j'avais préparé un tableau, donc je vais essayer de le refaire un peu de tête. Un divertissement en général, si bon, j'avais pris l'exemple du tombeau de Nostradamus en 1714, vous avez un vaudeville sur un air, sur un timbre connu, ensuite une danse et un vaudeville original destiné à tous les comédiens qui chantaient en général un couplet chacun et qui terminait par un couplet adressé au public et lui demandant sa bénévolence pour le spectacle, une espèce de conclusion, vous voyez, souriante. Et les partitions donc, qui sont conservées de Michel Corrette, C-O-2-R-E-2-T-E, qui est un compositeur de la foire, qui a été étudié, mais pas tellement du point de vue de Forain. Il a composé pour la foire entre 1725 et 1735, 10 ans. On a des témoignages de ces musiques, on a les musiques des divertissements, et surtout on a des musiques de ballet pantomime, qui forme un ensemble extrêmement intéressant qu'on vient d'identifier avec Guillaume Jablonka. C'est pas une découverte, si vous voulez, mais c'est une réévaluation de ces musiques qui étaient pour l'instant qui n'étaient pas rassemblées. Alors, un divertissement chez Corrette comprend désormais un grand air, vous voyez, en fin d'acte ou en fin de pièce, un grand air, c'est-à-dire une ariette développée sur le modèle de l'ariette d'opéra. Qui elle-même, ce qu'on appelle l'ariette, en fait, ce n'est pas un petit air. On pourrait penser, vous voyez que c'est un diminutif, en fait, c'est un grand air d'opéra qui est pensé sur le modèle de l'air italien da capo. Alors, attendez, je dis pensé parce qu'en fait, c'est adapté au goût français. Là, on retrouve les querelles entre France et Italie. Dans l'opéra, avec des auteurs comme Campra, Stuck, ensuite comme Rameau, s'introduit de plus en plus dans les divertissements des airs influencés par la musique italienne. Mais bien sûr, retranscrits au goût du public français, par exemple, qui n'aimait pas beaucoup les très longues vocalises, ou alors les coupures de texte, vous voyez l'aspect très concertant de ces airs, mais quand même qui sont pensés sur un modèle italien. Et donc, elles arrivent dans les théâtres de l'opéra comique, les théâtres de la foire, dans les années... Alors, les premiers témoignages, c'est 1733, c'est divertissement de Corrette, mais d'après le recueil de Le Sage et d'Orneval, c'est légèrement avant. Mais ces années-là, on voit donc l'arrivée d'une certaine influence italienne dans les divertissements. Et donc, dans un divertissement de Corrette, alors celui de l'île du mariage, en 1733, il y a donc, si je me souviens bien, il y a deux grands airs, on appelle les grands airs, c'est-à-dire deux ariettes. Vous avez ensuite des danses. Dans ce divertissement, il y a une musette, un tambourin. Et j'ai oublié que le divertissement était introduit par une marche en rondeau. La musette est d'abord dansée, et ensuite elle est chantée sur le même air, ce qu'on appelait au XVIIIe siècle une parodie, c'est-à-dire qu'on écrivait des paroles sur une danse qu'on venait juste d'entendre. Et ensuite, se termine par un vaudeville original de Corrette, destiné à tous les comédiens de la pièce, avec le refrain final adressé au public. Vous voyez, il y a un développement de ces divertissements qui deviennent de plus en plus riches. Et l'aboutissement de ce développement, enfin, c'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches, ce que je pense, peut-être que d'autres ne seront pas d'accord, mais je pense que c'est quand même un aboutissement logique, c'est que le divertissement final d'une des comédies de la soirée ou de la comédie en trois actes, le divertissement final se détache de la pièce, devient autonome et se donne sous forme de ballet. Et donc c'est là qu'apparaît, en 1729, sont les premiers ballets pantomimes à la fois, c'est-à-dire des ballets qui sont donnés avec une intrigue autonome des pièces et qui repose sur le moyen de la danse, principalement de la danse, et des gestes. On est en train de voir avec Guillaume Jablanca comment les gestes, les parties pantomimes peuvent s'insérer. Le genre est extrêmement fluctuant, le ballet pantomime, donc il se détache de ses divertissements. Il est extrêmement fluctuant dans cette époque, hein, 1729-1730. Donc il y a plusieurs types de ballets pantomimes. Alors, je m'aperçois en parlant que je ne vous avais pas fait vraiment comment se passait un spectacle jusque dans les années Monet, c'est-à-dire jusqu'en 1740. Eh bien, d'abord, une première chose à savoir, dans la foire, des théâtres en dur sont installés. Ce sont des théâtres en bois, bien sûr, mais ils sont des théâtres. Dès l'année 1697-1698, il ne faut pas voir les théâtres de la foire comme les tréteaux sur lesquels on monte. On voit ça dans certains travaux du 19e siècle. On pense que ce sont des tréteaux et qu'on met des petits rideaux pour faire un décor. Ce sont des théâtres en dur installés comme ceux de la Comédie française. Et on a ce témoignage grâce à des rapports de police qui ont été récoltés par Campardon, Émile Campardon, donc les théâtres de la foire, qui est un ouvrage très précieux de la fin du 19e siècle, mais qui donne un ensemble de rapports de police copiés dans les archives. Laquelle police, les inspecteurs, étaient envoyés par la Comédie française pour faire arrêter les spectacles. Donc ils créent ça, c'est verbal, en écrivant ce qu'ils voyaient. Donc c'est très précieux pour nous. Et ils disent qu'ils voient souvent les théâtres installés comme ceux de la Comédie française, c'est-à-dire avec un parterre, une fosse d'orchestre, une partie pour les musiciens, la partie d'orchestre, alors la scène, la fosse d'orchestre, le parterre, et soit des amphithéâtres, soit des loges, une ou deux rangées de loges pour un public plus raffiné, plus aristocratique, car l'opéra comique connaît rapidement le succès et attire même des gens de la cour et des personnages de haut rang. D'ailleurs, il y a un personnage qui adorait l'opéra comique, c'est le régent, c'est Philippe II d'Orléans. Il adore l'opéra comique, il y va souvent, et sa mère aussi, la princesse Palatine, mais comme elle, je ne sais pas si c'était assez digne pour elle de s'y transporter. En tout cas, elle fait souvent représenter les opéras comiques dans son palais, qui était donc le palais royal, dans lequel il y avait la scène de l'Académie royale de musique, c'est-à-dire de l'opéra. Donc elle n'avait plus qu'à pousser les portes, à monter ces petits escaliers, et hop, elle pouvait regarder des opéras comiques qui la faisaient beaucoup rire. Alors, vous voyez, donc ces théâtres sont installés de manière tout à fait conventionnel, on pourrait dire. J'ai même pu retrouver des dimensions qui sont comparables au théâtre de la Comédie française. Et il ne faut pas voir. Alors, peut-être que tout ce que je vous dis, vous le savez déjà, donc vous me le dites, je peux aller plus vite. Et alors, donc, une soirée dans les années 1710, ça s'installe déjà. Par exemple, le tombeau de Nostradamus faisait partie d'une soirée en 1714. Vous aviez d'abord les sauteurs de cordes, donc ça a commencé par des numéros de cirque qui attirait beaucoup de monde, et ensuite un enchaînement de comédies. Alors, s'ils sont des comédies en un acte, en général, vous aviez trois comédies. Et à la fin de chaque comédie, un divertissement. Et donc, dans les années 29-30, à la fin du spectacle, un ballet pantomime ou un ballet. Un ballet ou ballet pantomime. Donc, vous voyez, ce type de spectacle qui est en fait extrêmement composite, qui repose énormément sur la musique, sur le chant, mais qui donne donc une idée pas entièrement, qu'on pourrait dire. Alors, ce n'est pas un spectacle noble, si ça ne peut pas se comparer à la Comédie française ou même à l'opéra, mais qui possède une allure professionnelle très rapidement. Alors, là aussi, c'était les deux points essentiels de ma recherche. Ce que j'ai pu montrer, c'est que d'abord, les forains sont intéressés très tôt à la qualité des moyens professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont engagé un orchestre très tôt, on voit des orchestres très importants. J'ai même trouvé des témoignages dans le premier quart du XVIIIe siècle d'orchestres de 20 musiciens, ce qui est absolument énorme, hein, pour vous faire une comparaison. l'orchestre de l'Académie royale de musique et comporte entre environ 45 musiciens, vous voyez, environ entre 40 et 50 musiciens au XVIIIe siècle. Et avec aussi l'engagement de musiciens professionnels de qualité, parce que c'est pas parce qu'on dit forain que les musiciens étaient de bas étage, peut-être faut que je m'arrête. Non, ça va, mais... Et de qualité. Et donc vers les années 40, j'ai pu, en recoupant grâce à des documents d'archives, j'ai pu noter que les musiciens circulaient entre les scènes. Certains proviennent de l'Académie royale de musique, d'autres jouent aussi au concert spirituel, qui est une salle de concert de musique plutôt dédiée au grand motet, à la musique religieuse, qui ouvre en 1725, mais qui est une salle de qualité, si vous voulez. Donc il y a une circulation des musiciens entre les scènes. Et ça, c'est pour l'orchestre. Plusieurs témoignages sur les chanteurs, avec une exigence par rapport aux acteurs comédiens. Et donc, il y a un document autographe de Louis Fuselier qui est conservé à la bibliothèque de l'Opéra, dans le carton Favart numéro 1, qui a été pour moi d'une richesse insoupçonnée. Quand je suis tombé sur ce carton, d'ailleurs, au début, j'ai rien compris du tout, parce que tout est en désordre. Puis je me suis dit, oh, c'est un carton de Favart, c'est pour les littéraires, de toute façon, je ne vais pas trop regarder. Puis j'ai commencé à piocher, et puis j'ai trouvé les contes de Favart pour la saison de 1744 et 1745, avec tous les noms des danseurs qui a reporté, des danseurs, des acteurs, chanteurs et des musiciens, avec leur salaire, des remarques aussi sur le spectacle. Également un ensemble autographe de Louis Fuselier qui avait été mentionné mais jamais étudié, et dont notamment une lettre, un document sur une réforme de l'opéra comique, parce qu'il trouvait que l'opéra comique pouvait être amélioré, et en déplorant la mauvaise qualité de certains acteurs chanteurs de l'opéra comique. Pour lui, c'était très important que le chant... Alors, peut-être qu'on ne demandait pas les qualités d'un chanteur de l'opéra, mais il fallait que ce soit un bon chanteur. Et vous avez d'ailleurs un personnage très important qui a fait une carrière à la foire pendant pratiquement le premier tiers du XVIIIe siècle, c'est Amoche, un chanteur qui s'appelle Amoche, H-A-M-O-C-H-E, qui était capable de chanter des airs d'opéra. Il les chantait comme ça pour les parodier. Et donc, il est très bon acteur aussi. Alors ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, alors deuxième domaine qui m'a le plus surpris, où j'étais très étonné des résultats de la recherche, c'est la danse. La danse a été un ingrédient extrêmement favorisé par les forains dès le début du XVIIIe siècle. Un des premiers témoignages d'ailleurs d'une organisation professionnelle d'une troupe, c'est en 1712, parce que j'ai retrouvé le nom d'un maître de ballet qui s'appelait Froment. C'est-à-dire que vous aviez un maître de ballet qui donc réglait certaines danses. Alors attention, les acteurs savent danser, hein. Ils sont polyvalents, hein. Ça fait peut-être partie de la mixité, je ne sais pas. C'est partie de leur... Et ça, c'est dans leur métier. Hein. Comme les danseurs, d'ailleurs, pouvaient jouer la comédie aussi et chanter. Hein. J'ai retrouvé un manuscrit où deux danseurs, deux enfants, chantent des vaudevilles. Donc vous aviez une certaine polyvalence. Mais tout de même, au début du 18e, on a des témoignages sur une organisation trop assez professionnelle avec un maître de ballet et des premiers et premières danseurs, danseuses, vous voyez, avec des solistes, voilà, et une troupe et donc des figurants. Alors ça, si vous voulez, c'est le fait que les acteurs dansent, c'est très intéressant pour les théâtres qui sont obligés d'obéir aux interdits de l'opéra, parce que l'opéra, vous savez, interdit donc tout danseur à la Comédie française, n'avait pas le droit d'embaucher un seul danseur. D'ailleurs, entre parenthèses, je dis tout de suite à cette noble assemblée, je mets en cause une idée reçue. Vous savez très bien qu'après Molière, la Comédie française a continué à représenter des comédies-ballets, et certaines avec un faste, hein, très important. Hein. Ça, c'est une fausse idée de dire qu'elles sont arrêtées après Molière. Et donc, pour contourner le privilège, d'abord, on désobéissait. Donc, on avait plein d'amendes, plein de rapports de police, plein d'histoires. Vous savez très bien que ça fait tellement d'histoires que c'est Louis XV qui a réglé tout ça en 1753, en permettant à la Comédie française d'avoir des divertissements, mais aussi on engageait des acteurs qui savaient danser. Comme ça, on les mettait dans la troupe, et ça faisait quand même des divertissements avec une petite dizaine de danseurs. C'est un moyen de contourner les interdits. Alors, c'est pareil dans l'opéra comique, mais très vite, on voit l'organisation de troupes professionnelles, et vous voyez, vers les années 1715, et qui vont permettre, dans les années 1740, d'engager des danseurs comme Mademoiselle Lagny, qui était la fille, hein, du grand Lagny, La petite sœur. Ah oui, oui, c'est parce que les trois sont partis à Vienne. Pardon. À Berlin. À Berlin. Je saute tout à l'instant. Et surtout, un danseur étoile qui débute, non pas le paracomique, mais dans les ballets jésuites, mais qui commence sa carrière sur scène, c'est Nauvert, Jean-Georges Nauvert, vous voyez. Alors, le. Bon, ben, je ne sais plus où j'en suis. Et la musique. Et la musique. Alors, pour ce qui est de la. Alors, la musique. Oui, parce que vous avez préparé des petits documents. Alors, pour ce qui est de la musique, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est au niveau dramaturgique ou. Oui. Alors, bon, ben, de toute façon, le fond de la musique est constitué par les vaudevilles. Hein. Alors, ces airs-là sont d'origine très diverse. Je ne sais pas si on peut parler de musique populaire pour ce répertoire, ou même la musique populaire en général, parce que le timbre des vaudevilles peut être écrit par des auteurs de musique savante, ou être connu, être anonyme, mais ces airs-là circulent dans tous les milieux, c'est-à-dire qu'ils sont chantés aussi bien par les nobles, les grands, que par les harangères ou les boulangères du Pont-Neuf, hein, qui chantent également elles-mêmes des airs de Lully, hein, les airs d'opéra de Lully, qui chantaient aussi par le peuple. Vous voyez, une espèce de communion des classes sociales pour ces airs-là. Alors, pour les vaudevilles, leur origine, c'est soit des airs connus, alors aussi les vaudevilles qui viennent des opéras, qui sont donc alors ce sont des petits airs simples qui viennent des divertissements d'opéra. De toute façon, on ne va jamais chanter un grand récitatif du style « Enfin, il est dans ma puissance, ce fatal ennemi », etc. C'est pas ni le registre, ni le style. De toute façon, ça ne convient pas. Mais donc, des petits airs des opéras de Lully et de ses suivants, bien sûr. Après, il y a eu Campra, etc. Et troisième origine sont les danses, les musiques de danse qui sont transformées en airs. Et on a beaucoup de témoignages, donc des danses qui proviennent des opéras, ça peut être des menuets, des contredanses, etc. Des musettes aussi. Alors, vous voyez, ça c'est un des. Alors, ça c'est. Moi, j'ai pas travaillé franchement sur ce domaine, mais il y a d'autres musicologues comme Raphaël Legrand qui ont travaillé là-dessus, et Judith Leblanc aussi, parce qu'il a fait une très belle thèse sur la parodie d'opéra, la circulation des timbres, qui prouve qu'en fait. Les scènes ne sont pas cloisonnées musicalement et que les musiques circulent de l'opéra aux foires, à la comédie française, etc., et même chez les Italiens. C'est, je pense, une des grandes avancées de la recherche d'avoir montré que ces scènes ne sont pas cloisonnées, en tout cas quant à l'utilisation des. Alors, moi je dis des musiques et des danses, puisque ce que j'ai trouvé aussi pour la foire, c'est que la typologie des danses de la foire est la même que celle de l'opéra. Avec des différences, des particularités, parce que les danses que la foire préfère, qu'elle utilise assez souvent, c'est la contredanse, le cotillon et le branle. Vous voyez, qui apparaissent moins, enfin, qui sont pas la marque vraiment du grand genre, en tout cas de l'opéra. Et donc, alors, ça, c'est pour les vaudevilles. Ce qui est très intéressant, c'est lorsque. On utilise des musiques d'auteurs savants dans les opéras comiques. En général, c'est un hommage. Hein. Quand si vous prenez une danse de Rameau, c'est un hommage à Rameau. Mais on n'utilise pas, par exemple pour les parodies d'opéra, on n'utilise pas les musiques des musiciens, les airs ou les récitatifs, on ne leur met pas d'autres paroles. Enfin, c'est très rare, il y a quelques exemples. Mais on utilise les vaudevilles. De toute façon, quand vous faites un vaudeville, je ne sais pas moi, par exemple, j'ai du monde à voir dans ma tabatière, et que c'est par exemple un personnage mythologique, par exemple, je ne sais pas si c'est Jupiter dans Isis de Lully qui apparaît et qui chante « J'ai du monde à voir dans ma tabatière ». Vous voyez, il y a une dégradation comique qui est immédiatement perceptible. C'est la dégradation se passe par là. Ah, ça, c'est le premier point. Et deuxième point, donc, sont les musiques originales de la foire qui vont avoir de plus en plus d'importance dans les divertissements du moins. Alors là, pour l'analyse que j'ai faite, j'ai pu noter une fidélité à l'esprit français. Il y a d'ailleurs dans les comédies des forains quelques piques contre le goût italien, alors le goût musical italien, par exemple contre la cantate. C'est très amusant. Un goût musical et dans un style que j'ai nommé lyrique léger, c'est-à-dire que c'est un style qui est aussi pratiqué dans l'opéra, dans les divertissements. Alors, dans l'opéra, ce qui se passe, c'est que le côté populaire est assumé dès la création de l'opéra par Lully, parce qu'il insère dans ses divertissements des airs de carrure ou de style populaire, entre guillemets, ou bien qu'il a lui-même emprunté au répertoire populaire, c'est l'exemple d'air de mélodie empruntée, pour que le public puisse chanter avec le chœur qui est sur scène. Ah, donc, dans les divertissements, vous avez souvent un passage, vous avez un soliste commence par exemple le couplet, le chœur chante le refrain, un autre soliste deuxième couplet, le chœur chante le même refrain, si bien qu'au bout du deuxième refrain, même si vous ne connaissez pas les mélodies, vous chantez avec. Alors ça, c'est attesté par des témoignages des étrangers, surtout qui sont très étonnés de cette pratique, qui prouve d'ailleurs que, vous voyez, la participation du public n'est pas spécifique à l'opéra comique, elle est aussi, elle se fait à l'opéra. Et souvent, quand les opéras ne présentent pas ce genre de petits airs qu'on peut reprendre en chorus, comme on disait, souvent, ils peuvent connaître l'échec. Bon, c'est l'explication qu'a donné un témoin dans recueil des cantates, mais c'est pas automatique, si vous voulez. Mais pour asseoir la popularité des opéras, c'est sûr que Lully a utilisé ce type de pratique, à la fois de pratique et de registre plus populaire. Alors ça, c'est très courant dans les musiques originales. Et avec Corel, donc dans les années 1730, s'introduit des musiques beaucoup plus élaborées, avec une influence italienne. Comment je pourrais vous dire ça? Parce que c'est très complexe ce problème. Une influence italienne édulcorée, non c'est méchant ça, passée au filtre, vous voyez, du génie français. C'est-à-dire que c'est une musique italianisante. J'avais dit ça dans ma thèse, alors c'est peut-être un peu pompeux. Alors comment on peut... C'est une musique italianisante, mais pas italienne. Vous voyez, c'est ça, c'est adapté. Mais le modèle est quand même italien. Avec l'importance des danses de plus en plus fréquentes, de plus en plus nombreuses à partir des années 1630. Et alors, et je conclurai là-dessus parce que j'ai parlé longtemps, pour citer le dernier compositeur, celui qui est le plus connu, donc malheureusement on a perdu toute la musique, c'est Jean-Philippe Rameau. Et je pense, à mon avis, qu'il a dû lui aussi participer à cette évolution musicale vers plus de complexité, vous voyez, plus de, on peut dire de raffinement, parce qu'il est arrivé à la foire en 1723. Non, je ne suis plus sûr de la date, non, c'est pas, on recherchera. Appelé par Piron, c'est dans ses premières années parisiennes, il a livré des musiques. Et heureusement, on pense que, c'est Grammer Sadler, un musicologue, qui émet l'hypothèse que certaines pièces de clavecin qui sont dans le livre de clavecin de 1724 sont en fait des danses, surtout les danses sont des danses qu'il a écrites pour la foire, parce que c'était très courant chez lui de réutiliser des musiques d'un spectacle pour un autre, vous voyez, des musiques de clavecin pour l'opéra ou des musiques d'opéra pour le clavecin, etc. Enfin là, en l'occurrence, c'est les musiques de la foire pour ces pièces de clavecin. Et notamment, je ne sais pas s'il y a eu des apprentis pianistes parmi vous, le célèbre tambourin qui fait talalala, pam pam pam pam pam pam. Première chose que j'ai dansé quand j'étais gamine. Et en fait, quand on le joue, qu'on pense à la foire, on pourrait le voir même un peu comiquement. Enfin, il est extrêmement excentrique. C'est une pièce très originale, avec des harmonies recherchées, des chromatismes. Pour un tambourin, c'est pas étonnant de la part de Rameau, mais c'est tout de même, si on compare à Corrette, assez étonnant. Et donc on sait qu'il y a un tambourin qui a été dansé par une très grande danseuse, par qui a été très grande, dans la triade de Piron en 1723. Alors vous voyez, donc on a quand même des indices pour avoir une meilleure idée des musiques et aussi de la danse à l'opéra comique. Et donc c'était un des résultats de ma recherche, c'est d'avoir revalorisé cet aspect-là qui est peu connu jusqu'à présent. Merci beaucoup pour ces explications passionnées. Bâton. Et passionnantes, on voit bien. Alors évidemment, comme je t'avais pas demandé ton texte avant, et de toute façon si je te l'avais demandé, ça aurait pas servi à grand chose. Moi, je suis vraiment très intéressée par plusieurs choses que tu as dites et que j'avais déjà notées à propos du texte d'Emmanuel que vous allez entendre maintenant. C'est cette question, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un style ? Alors, bon, je ne reviens pas sur la question que tu as posée au début. Est-ce que ça existe, les genres mixtes, et est-ce qu'on a le droit de prononcer ce terme ? Bon, quand moi, je l'avais lancé dans la discussion pour proposer ça comme sujet, je n'entendais pas, évidemment, me profiler comme spécialiste d'une théorie des genres et de dire ça, c'est un genre, ça, ça n'en est pas, ça, c'est mixte. Je voulais simplement indiquer, en fait, ce que tu as très bien dit, avoir une forme de spectacle qui est composite et dans laquelle il y a une très grande hétérogénéité des formes, des expressions esthétiques, avec des glissements de poids respectifs entre les expressions, entre la parole, entre le geste, entre la danse, entre la musique et le chant, la musique instrumentale et la musique vocale, etc. Donc je n'allais pas plus loin que ça. Ce qu'on retrouve de toute façon, c'est, et qui moi m'intéresse, puisque encore une fois, si je me place du point de vue de l'espace germanique qui reçoit les influences conjointes de la France et de l'Italie, on a une très grande mobilité des artistes, et que ça contribue au brassage des styles, d'un point de vue géographique, mais également d'un point de vue sociologique, avec des niveaux stylistiques à l'intérieur des types de spectacles représentés extrêmement importants. Et pour l'opéra de Hambourg, ça va être vraiment quelque chose de tout à fait décisif, mais également pour la ville de Nuremberg. Et ça contribue bien sûr beaucoup au brassage des styles. Alors je réagis amicalement à ta remarque sur la palatine. Je pense que la palatine, dans les années que tu évoques, elle était vieille et âgée. Je pense qu'elle se déplaçait plus difficilement. Elle ne considérait pas ça du tout comme en dessous de sa dignité de se déplacer pour aller à la foire ou à l'opéra comique. Au contraire, on sait bien à quel point elle était très libre par rapport... Enfin, elle voulait être très libre par rapport au protocole et à toutes ces contraintes qui l'embêtaient énormément. Et donc là aussi, c'est une attitude qui est tout à fait intéressante. Moi, je voudrais que si tu pouvais revenir, alors c'est deux choses différentes, à quoi finalement est-ce que tu ramènes le dédain dont tu as fait état au début de ton intervention pour ce qui est l'opéra comique? Est-ce que ça tient au ton? Est-ce que ça tient au fait que c'est une forme composite et que les chercheurs, qu'ils soient des littéraires, des musicologues, etc., préfèrent s'attacher à des formes bien, bien rondes, bien cohérentes, etc. Oui, c'est une bonne question, parce qu'en fait, en réfléchissant, je me suis aperçu que le dédain avait commencé avec Jean Monnet dans ses mémoires. Lui, il méprise copieusement la réalisation de ses prédécesseurs, surtout il dit beaucoup de mal sur ses prédécesseurs frontaux, et on le voit aussi dans des réactions comme, vous le connaissez sûrement, les écrits sur les spectacles de D'Argenson, où lui distingue, il distingue les comiques. Il y a un comique qui est très grossier, qui est bas et grossier, et qui est très répandu à la foire. Et ça va être le cas dans les spectacles de marionnettes avec Polichinelle, par exemple. Hein, comme le dit une pièce, Arlequin bat et Polichinelle pète. Polichinelle pète tout le temps. Donc c'est très grossier. Et il y a un comique qui est fin, qui est plus fin, et qui doit être celui des opéras comiques désormais. Et avec un mélange italien-français qu'on trouve chez Le Sage, c'est lui qui dit ce mélange italien-français qui n'existe plus. En fait, il y a toute une partie des spectacles de la foire qui sont très grossiers. Alors ça, pour un public plus raffiné et littéraire, ça passe mal. Et après, le problème pour la recherche en musicologie, c'est qu'on s'est mépris sur le terme de forain, et c'est resté des choses amusantes, mais pas dignes d'un opéra comique, parce qu'on a en tête l'opéra comique de la fin du XVIIIe siècle, comme chez Grétry, par exemple, vous voyez, où c'est vraiment un genre à part entière, avec toujours ce mélange parler-chanter, ça c'est l'opéra comique, mais extrêmement pensé, et avec des musiques originales, pensées par le compositeur, à partir d'un livret. Alors que dans la comédie à Vaudeville, c'est d'abord l'auteur qui donne, on pourrait dire, le schéma musical. Et j'ai oublié de dire une chose dans mon exposé, parce que tu m'as parlé de musique, c'est que c'est vrai que l'opéra comique repose sur l'expression du comique. Alors, un comique fin pour des auditeurs raffinés. Mais dans la musique, on voit aussi qu'il y a un style, il y a un genre, c'est le comique musical qui est très développé et qui est très apprécié des forains. On peut, ce style, on le voit chez Rameau dans Platée, par exemple. Moi, on pense qu'il y a des influences de la foire dans Platée de Rameau. Mais il y a un style musical spécifique aux pièces comiques. Et vous avez des pièces qui reviennent souvent dans les comédies, sont les évocations d'ivrogne. Ça, souvent dans les danses. Et vous avez une musique de Corrèze qui sont très amusantes, de personnages. Et alors, de toute façon, qui sont dans la lignée des danses comiques. J'étais en train de chercher l'ivrogne. C'est le 18e. Hein. C'est effectivement. Mais le dédain, il vient à la fois du 18e siècle, parce que je pense. Alors là, vous êtes littéraires, peut-être qu'ils pourront me dire mieux que moi. Je pense que c'était pas considéré comme un genre, la comédie à vaudeville, en tout cas pas un genre littéraire recommandable. de l'atmosphère aussi de la force, je pense, de certains spectacles très grossiers. Mais on a des témoignages des dames de la haute société qui viennent assister à ces spectacles. Alors, elles avaient un truc, c'est qu'elles avaient des éventails, vous voyez, qui étaient troués comme ça au milieu, et elles avaient des jumelles qui passaient par les trous, mais elles étaient cachées par l'éventail pour mieux regarder Polichinelle, les acteurs qui faisaient des pitreries. Mais ce dédain, ça a commencé au 18e déjà. Et alors, Nathalie Rizzoni a dit ça, c'est très, je pense que c'est juste, hein, le théâtre de Le Sage et d'Orneval qui est édité, ça a été une des premières manifestations d'une entrée en littérature, c'est comme elle le dit elle-même, c'est-à-dire de se détacher de cette ambiance grotesque et basse, grossière de la foire. Et moi, pour ma part, je l'ai remarqué dans le Mercure de France, dès l'année 1721, qui correspond, vous voyez, à un tournant, je pense aussi, ça correspond aux publications de Le Sage, lorsque la rubrique spectacle du Mercure de France s'organise, grâce à Fuselier d'ailleurs, en 1721, vous avez une partie sur l'opéra comique qui est devenue, là, pour le coup, un spectacle à part entière et digne d'être critiqué, vous voyez, relayé par le Mercure. Mais dans le Mercure, vous n'avez jamais les spectacles de marionnettes très grossiers ou les numéros de cirque ou les... Ou même il part peu des pantomimes, par exemple, des pantomimes qui étaient représentées dans d'autres théâtres, pas des comédies, mais des spectacles de pantomimes dont certaines sont menées par les Anglais. Alors, ce que j'ai trouvé aussi évidemment intéressant dans ce que tu as dit et qu'on retrouvera avec l'intervention d'Emmanuel, c'est le fait que ce divertissement final au fil du temps, il va se détacher, devenir autonome. Ah, et alors là, on a vraiment quelque chose de l'ordre d'une dynamique d'autonomisation des expressions esthétiques qui est tout à fait intéressant parce que si on constate, si on revient à cette entreprise, ce qu'on caractérise en général comme étant la naissance des spectacles modernes, c'est la fin du XVIe siècle, 1580 à peu près, en Italie, à Florence notamment, où on avait au contraire un idéal de fusion des arts et des expressions esthétiques, et 150 ans plus tard, et oui, pas tout à fait, 150 ans plus tard, on a au contraire une dynamique d'autonomisation de toutes ces expressions esthétiques qui va aboutir effectivement globalement avec nos vers, mais pour faire très schématiquement, au fait qu'il faut arriver à faire un ballet entier sans aucune parole. Et alors en plus, non plus dans le registre comique, mais dans le registre tragique. Alors c'est là où peut-être on va pouvoir compléter par d'autres interventions. Visiblement, la pantomime et tout ce qui est du registre du corps et du geste et de la pantomime a beaucoup de mal à s'accommoder du registre noble et sérieux et passe beaucoup mieux dans le registre comique avec toutes ces nuances que tu viens de dire, c'est-à-dire il y a le haut comique, il y a le moyen comique, il y a le bas comique, il y a la farce, il y a la grosse farce bien épaisse, bien triviale, il y a la comédie déjà un petit peu plus distinguée, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant, cette double dynamique en l'espace de 150 ans, on est passé de l'idéal de la fusion des arts à l'idéal de l'autonomisation. Et puis, en parallèle, on va quand même aussi passer, alors ça c'est quand même beaucoup plus pour ce qui concerne le ballet, tu as parlé des danses, et tu as parlé des danses qui sont représentées, des menuets, des sarabandes, c'est vraiment la belle danse française, qui est une danse qui est réglée. Et alors, avec l'apparition du ballet d'action, du ballet pantomime, on ne va plus être dans une recherche de règles, d'un saisissement intellectuel, d'une représentation du monde, mais dans l'émotion, dans les sens, dans le saisir par la sensibilité d'un fait représenté. Et là, on a un changement complet de paradigme qui va mettre évidemment énormément de temps à s'établir. Hein. Alors, je ne voudrais pas monopoliser la parole, je pense qu'il y a dans l'auditoire des questions, certainement, beaucoup plus. Andrea Fabiano. Oui, je vous remercie. Vous avez brossé les paysages des théâtres de l'opéra comique. C'est des théâtres que j'appelle des théâtres sous contrainte, car leur dramaturgie naît sous la contrainte et l'interdiction. Alors, ce que je vous demande, c'est justement, est-ce qu'à votre avis, cette contrainte permet aussi la naissance d'un spectacle qui est propositif et pas simplement un spectacle qui naît parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Donc à un certain moment, il y a, à mon avis, ce dépassement de l'interdiction où l'interdiction devient en réalité un instrument de création propositive. Alors, est-ce que vous le constatez dans l'époque dans laquelle vous travaillez? Parce que là, vous avez cité des éléments qui sont des éléments de la contemporanéité, dans le sens, la pièce fragmentaire, la pièce composite, des comédiens qui sont en même temps danseurs, qui sont écrivains, qui sont musiciens. Donc, on est dans la situation d'une performance contemporaine, mais qui semble subie entièrement, parce qu'on ne peut pas faire normalement, donc on fait autrement. Mais je voudrais vous entendre sur cet aspect-là, c'est-à-dire est-ce qu'en réalité, on peut considérer que finalement, ça devient quelque chose de propositif? Ah ben oui, c'est sûr. Hein, c'est pour nous, par exemple, en psychologie, puisque je parle de mon côté, c'est sûr que c'est là qu'est né l'opéra comique. Hein, c'est... Et ensuite, vous connaissez la fortune de l'opéra comique ensuite, et même à l'étranger, en Vienne et partout. C'est-à-dire que les contraintes auxquelles ont dû faire face les forains, ça a donné toute une série d'inventions. C'est tellement fantaisiste que c'est extraordinaire quand on considère tout ce qu'ils ont pu faire. Mais ça leur a donné, ces contraintes leur a donné une espèce de créativité, mais sans relâche. Par exemple, je pensais à. C'est quand même incroyable, je pensais à un exemple, c'est pour un spectacle sur lequel j'ai travaillé, parce que j'ai retrouvé des documents inédits, c'est le spectacle des marionnettes de 1722, auquel est venu le régent, d'ailleurs, l'a assisté. En 21, on a interdit à Francisque de représenter des opéras comiques, et les trois auteurs de Francisque. Alors, je n'ai pas de témoignage d'auteurs qui soient acteurs en même temps. En général, ils se spécialisent. Mais ça, donc les trois auteurs ont décidé de représenter leurs opéras comiques en marionnettes, en tête de marionnettes. Et donc, je vous l'avais apporté, là, il était dans le... Mais si vous voulez, vous le regardez là. Non, j'ai retrouvé le... J'ai pu dater et puis associer ce plan de théâtre de Fuselier au spectacle de marionnettes de 1722. En fait, on a le plan d'une salle qui est assez importante, qui n'est pas du tout un petit tréteau avec des marionnettes. Il y a les comptes des décors, les comptes pour les décors, avec les commandes de tissus, et ainsi que la nomenclature de la troupe. Et en fait, ça fait un spectacle. Sauf que les comédiens étaient des marionnettes en bois, mais ça donne l'idée d'un spectacle tout à fait comme les opéras comiques représentés avant. Et c'est une certaine virtuosité tout de même. Et il y avait, pour ce spectacle, il y avait... 6 marionnettistes et 8 chanteurs. Il y avait des chanteurs. Alors, ils étaient peut-être passés dans les coulisses, je ne sais pas, on ne sait pas trop. Mais vous voyez, c'est à chaque interdiction, il y a comme ça une réponse théâtrale qui est donnée. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire ça, mais une autre inventivité des forains et qui va bien dans le thème étudié, je voulais dire dans l'aspect composite, c'est qu'il y avait souvent des mélanges, on a des témoignages, j'en ai trouvé 3 là, donc on a des témoignages de spectacles qui débutaient par une pièce de marionnette et ensuite un opéra comique chanté et joué par des acteurs vivants. Oui, ça c'est très intéressant. Alors, il y a peut-être un défaut quand on est passionné par son sujet, puis c'est le cas aussi pour d'autres chercheurs, on a une tendance à surévaluer, voyez, l'inventivité. Pour nous, ça nous semble tellement moderne, mélanger des marionnettes, des comédiens, des danseurs, etc. Je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus, extrapoler. Eux, c'était souvent des réponses pragmatiques. Alors là, pour le spectacle de 1722, on a le témoignage des frères Barthes. Ils disent que les auteurs étaient furieux. Ils étaient vraiment furieux de l'intervention à la Comédie française, donc ils ont représenté leurs opéras comiques en marionnettes. Entre parenthèses aussi, vous voyez, c'est pour indiquer que les marionnettes ne sont pas forcément des sous-spectacles non plus. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est sûr que c'est, leur inventivité est due aux contraintes et elle ne s'est pas éteinte. Mais je crois que pour ce qui concerne tout simplement la formation des artistes, c'est quelque chose qui est très ancien et on peut parler d'une dramaturgie plutôt pragmatique comme toi tu as parlé, même si après effectivement il y a la dramaturgie sous contrainte, mais je pense qu'elle était caractéristique de la formation des comédiens jusqu'à très longtemps, puisque tu as même trouvé dans ce fameux carton Favart le nom de Nauvert cité comme comédien, et pas comme danseur, mais comme comédien. Donc, ils étaient censés tout faire. Hein. Mais ça, les comédiens, ils jouaient donc, aussi. Mais effectivement, en littérature, on le connaît, en littérature, le poids de la censure pousse à développer les ressources de l'inventivité et de toutes les stratégies de détournement. Donc, ça peut paraître tout à fait vraisemblable, mais sans doute qu'il reste un travail à faire là-dessus. Marielle, tu voulais... J'avais une question qui portait en fait sur la parodie, parce que je suis pas certaine de vous avoir compris. J'ai l'impression que vous parlez de parodie. juste un déplacement du texte ou de la musique. Et puis, il y a une parodie comique. Il y a des effets dont vous avez donné un exemple. J'ai bien entendu. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ça, le premier sens, le premier sens au 18e, c'est quand on parodie une danse, par exemple, on reprend la mélodie de la danse pour en faire une chanson, l'accompagnement. Et ça, c'est dans un sens tout à fait noble. Enfin, ça se trouve très souvent dans l'opéra. Il y en a des exemples chez Lully, Campra, etc. Et après, il y a l'aspect de dégradation d'un modèle pour en faire une parodie. Et ça, c'était la grande mode de la parodie d'opéra. Comment ? Satirique ou C'est satirique, oui. Il y a un but d'amuser, un peu de critique aussi. Alors, les Italiens, ils avaient fait, avant leur départ en 1697, donc il y avait une parodie, mais plutôt parcellaire. Et c'est après la force instituée la parodie dramatique, c'est-à-dire qu'on parodie tout un opéra en entier, en transposant les personnages, le ton. Mais la parodie se fait à base de vaudeville. S'il y a quelques airs empruntés à l'opéra cible, c'est en général des danses et c'est plutôt donc un hommage. Il n'y a pas de critique du compositeur, c'est souvent la critique du librettiste. C'est vrai qu'il y a souvent comme des critiques des clichés de l'opéra. Oui, il y a ces deux sens-là, tout à fait ça. Et autour de ça, en fait, je me posais une question autour de la danse. Dans les parodies des phares, alors ce que je n'ai jamais trouvé dans la représentation, lorsqu'il s'agissait de parodier des morceaux des danses de l'opéra, est-ce que selon toi c'était une parodie, mais je dis des pas satiriques, ou c'était tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est-à-dire comme les acteurs dans leur performance faisaient les satiriser, oui, voilà. Alors c'était une caricature des danses aussi, ou la danse, par exemple au foire, comme à la comédie italienne, s'est passée comme un simple menuet, et donc qui participait, participait du faste. Il y a très peu de témoignages. Tu veux parler des danses interprétées par les danseurs à l'opéra comique? Oui. Ah, par exemple, t'as un témoignage Pendant les parodies, je dis. Ah oui, alors comme il y a ce processus de dégradation donc du texte, et c'est une question que je me suis posée longtemps. Il faudrait avoir des détails sur le mode d'exécution. Et justement, je voulais savoir si on peut l'exécuter de manière sérieuse. Il y a un témoignage, c'est l'arlequin anglais, la très connue Baxter, qui parodie Françoise Prévost. Danse de Françoise Prévost. Une danse, le Caprice. Et donc ça veut dire, là c'est à double sens parce qu'il devait quand même le faire comiquement, mais c'est aussi un hommage. T'as raison, c'est pas dans une parodie. Ça fera, je regarde où c'est. Mais ça, c'est. On n'a aucun témoignage. Justement, je voulais savoir si tu en avais du côté des parodies de foires. Il y a quelques témoignages dans les comédies où les personnages arrivent en disant ils imitent Madame Machin de l'opéra quand elle arrive dans tel opéra, mais on n'a pas de détails sur les danses. Je ne sais pas. J'ai que ces témoignages de Baxter, ça devait être drôle, mais c'est pas. Je peux supposer que ça s'en est. Je me permets juste de montrer des extraits de cet ouvrage de Lambranzi, parce qu'il commence précisément par des danses sérieuses. C'est même plutôt ça, c'est la courante et le coupé, etc. Et je vais les faire passer après. Et on voit les personnages qui se tiennent comme des personnages nobles ou aristocratiques, avec un maintien tout à fait spécifique, un habitus corporis. Et ils tiennent la main légèrement trop haut. Et alors, j'ai une collègue allemande qui a émis l'hypothèse que cette position trop élevée de la main pourrait être un signe d'une parodie critique, d'une sorte de critique, puisque la position des mains, normalement, est beaucoup plus basse. Mais... bon, je ne suis pas suffisamment compétente en la matière. De toute façon, en réfléchissant, étant donné qu'il y a des parodies des chanteurs à l'opéra, il y aura aussi des parodies des chanteurs. Voilà. C'est ça que je pense. Et des comédiens aussi. Des comédiens. Je veux pas te chasser. Oui. Bien. Je crois qu'on peut remercier Bertrand Brault, qui devra... Et je vais donner maintenant la parole à Emanuele De Luca, et je vais, si vous êtes d'accord, je peux faire passer, vous en avez besoin, vous voulez le montrer. Non. Bon, je vais faire passer le Lambranzi pour qu'on puisse le présenter. Alors, nous écoutons donc maintenant Emmanuel qui va nous parler de la Comédie italienne de Paris avec les muses rivales de François Riccoboni. Merci beaucoup déjà à Madame Murray pour m'avoir donné cette opportunité de me confronter dans ce sujet que je trouve très passionnant et qui croise mes études qui portent notamment sur la comédie italienne. Cette fois-là, j'essaie de le voir du point de vue évidemment de la danse, et donc d'essayer de développer, de me poser des questions sur la présence de la danse dans la comédie italienne. Et je voulais juste me lier à Bertrand Porot, parce que tu avais tout à l'heure cité Fromet, le premier maître des ballets des foires, Froment, voilà, et c'était même le, j'imagine que tu portais sur le ballet de Jean-Antoine Romagné, c'est à l'Ecce Homo, et Froment c'était aussi le maître des ballets et qui avait composé le ballet chez les jésuites, où avait dansé la première fois François Riccoboni, qui sera l'héros d'une partie de mon exposé. Donc c'est pour démontrer une porosité qui, il faudrait bien souligner, une porosité qui n'est passe pas seulement des théâtres, comment dire, des théâtres des foires ou de la comédie italienne qui sont là, mais voilà, qui s'entremêlent entre Nevers, on a cité, mais Rameau aussi, qui a composé des musiques pour la comédie italienne. Bon, je reviens à moi. Donc, mon intervention portera sur la présence de la danse à la comédie italienne de Paris et sur l'évolution de cet art au sein du spectacle des Italiens. Et bien évidemment, non pas pour aboutir à des conclusions, parce qu'un travail complexe est encore à faire, mais pour proposer des éléments qui utiles à la discussion et à notre réflexion. Pour ce faire, je me limiterai premièrement à présenter les quelques données que je pourrais en si peu de temps, qui peuvent témoigner du poids, évidemment, de la danse et sa fonction dans le spectacle de la comédie italienne dès la première moitié du XVIIIe siècle. Deuxièmement, je présenterai le travail en bref chorotique de François Riccoboni. Enfin, je visagerai un ballet pantomime de François, dit Lélio le Fils, représenté avec une comédie de Boissy pour m'interroger et évidemment proposer à nous tous des questions à propos de l'identité de ce spectacle composé par la prose et la danse, aussi sur la fonction que la nouvelle forme de la danse pantomime prend dans cette sorte de spectacle mixte, et pour finir sur le statut de la danse et de son autonomie au milieu du XVIIIe siècle, face aussi aux comédies dont elle était traditionnellement liée et voire absorbée, comme on disait tout à l'heure. Donc quand on parle de théâtre des Italiens, il faut partir d'un constat, c'est que la danse est présente d'une façon massive dans la dramaturgie des comici dell'arte italiens depuis le début de leur activité, soit en tant que divertissement employé pour terminer et parachever un spectacle, soit en tant que moment d'allégresse à l'intérieur même des pièces. Nombreuses didascalies contenues dans les canevas italiens depuis le XVIe siècle en témoignent. Et bien que malheureusement très laconiques, elles prescrivent la présence de ballet en forme de spectacle conclusif pour le mariage traditionnel des couples d'amoureux. C'est presque comme ça s'est passé à la foire. Il s'agissait du traditionnel moment de réjouissance qui comptait aussi des morceaux chantés. Et ça, c'est important. D'autre part, la danse était l'une des habiletés fondamentales des comédiens, ainsi que la récitation dans l'impromptu ou la récitation préméditée, et souvent le chant. Donc l'usage de la danse, c'est lié à celui du corps et du geste en tant qu'élément caractéristique du jeu italien. Geste qui pouvait accompagner et compléter la parole, mais pouvant être également expression signifiante autonome. Donc la pantomime et les lazzi. En 1716, après plus d'un siècle et demi dès la naissance du théâtre italien professionnel, les nombreuses images qui concernent les masques de la Commedia dell'arte dans la Nuova Scuola di Balli que vous voyez qui passe de Gregorio Lambranzi, italien de Venise. Paru à Nuremberg, témoignent du mélange de la danse et du geste expressif pantomimique comme langage propre aux acteurs de la péninsule et dans le même temps sublime sur un plan iconographique une pratique désormais acquise par les Italiens, passable donc d'être stylisée, un peu éloquente, au but pédagogique. Rien d'étonnant donc si en 1716, l'année exacte de la parution de ce traité de Lambranzi, On avait accordé à Luigi de Cobone, qui conduisait à Paris la nouvelle troupe de comédiens italiens, la possibilité de courtes chorégraphies, réglées par Elena Balletti, sa femme. On peut le déduire indirectement par un passage du règlement voulu par le duc de Parme, Antonio Farnese, mais derrière lequel se cache certainement la main de Luigi de Cobone lui-même. Donc à l'article 4 du règlement, on lit que le capocomico, Luigi de Cobone, renonce au profit dont il aurait bénéficié, je cite, « pour la danse de sa femme ». Phrase qui révèle de l'intention de Riccoboni de proposer des moments de divertissement dans ses spectacles. Mais dans le même temps, il faut le souligner, par le truchement de ce document officiel, Luigi de Cobone s'est mettait au fait à l'abri de possibles contestations de la part des troupes françaises rivales, notamment celle du Palais Royal, qui dans le Royaume de France détenait tout privilège sur la danse. Or, les 11 acteurs qui composaient la nouvelle troupe étaient en large majorité des bons danseurs, aussi bien que des acteurs. Luigi de Cobone et Elena Balletti, bien évidemment, mais encore l'arlequin Tommaso Vicentini et la célèbre Silvia Benozzi, que vous pouvez apercevoir danser un pas des deux à ornement du frontispice de la pièce Je ne sais quoi de Louis de Boissy dans la gravure que je vous présente. Donc c'est en 1731 et c'est Carr, d'après l'Ancret, c'est une gravure de Carr. Donc la génération qui naîtra de ces acteurs, suivant le goût du public et les tendances du spectacle parisien, sera plus encore vouée à la danse. Vicentini, l'arlequin, de sa part, transmettra à sa progéniture beaucoup plus le goût de l'art chorotique que celui de l'acrobatie arlequinienne. Flaminia et Silvia apprendront aussi bien le métier de terzicore à leurs enfants que François Riccoboni et Antoine-Étienne Balletti seront deux chorégraphes autant qu'acteurs. On signale toutefois qu'au fil des ans, des nouveaux danseurs et maîtres des ballets se rajouteront aux membres italiens. Je pense à Louis Voisin et Marcel, qui ne sont pas pour autant des acteurs, mais des professionnels de la danse, ce qui démontre une tendance graduelle à la professionnalisation de l'art chorotique et à la distribution des rôles, des devoirs artistiques des membres de la troupe italienne à Paris. Professionnalisation d'une part, mais aussi de l'autre, apprentissage, donc formation, qui rentre dans la nécessité de la profession. Et donc, si nous sommes convaincus que depuis toujours, une certaine forme d'apprentissage devait être mise en place pour les nouveaux débutants qui prétendent faire partie de la comédie italienne, pendant les années 30, on trouve le témoignage tout à fait certain d'une sorte d'instruction à la danse en tant qu'habileté à apprendre avec la musique et la langue italienne, entre autres. Donc, c'est Mademoiselle Clairon qui nous le dévoile. Dans ses mémoires, elle rappelle son début à la comédie italienne en l'an 1736, à l'âge de 11 ans. Il fut Jean-Baptiste François Daès, acteur qui venait d'être reçu dans la troupe destinée à être l'un des plus grands maîtres des ballets du siècle, à introduire la débutante aux compagnons de l'hôtel de Bourgogne. À la comédie italienne, écrit l'actrice, au Médonat, je cite, « des maîtres d'écriture, des danses, je souligne, des musiques et des langues italiennes ». La présence de cette sorte d'instruction démontre de l'exigence d'une formation articulée et complète pour chaque acteur prétendant faire partie du théâtre des Italiens. Il fallait apprendre toutes les habiletés qui étaient propres aux acteurs venus de la péninsule pour pouvoir exploiter les répertoires. Il fallait en somme se préparer à l'élaboration d'une esthétique spectaculaire bien déterminée, à un jeu d'acteurs propre aux Italiens. Mais en même temps, l'apprentissage de la danse, tout en nous indiquant un réseau de formation et de transmission des savoirs des acteurs, se pose d'une part comme un ersatz, un sous-projet, d'une certaine façon, de la pratique pédagogique institutionnalisée au sein de l'École royale de l'opéra, fondée par Pécourt en 1712, ainsi que comme alternative valable aux autres enseignements français, notamment ceux des jésuites. Ce n'est pas un hasard donc si Daès deviendra ensuite maître d'un groupe de jeunes enfants en 1747 et maître de ballet de Madame de Pompadour. Donc, cet aspect de la pédagogie de la danse ne me semble pas négligeable non plus parce qu'il témoigne de la préparation technique des acteurs de la comédie italienne. Donc tout ça pour démontrer évidemment les habiletés qui devaient avoir les acteurs qui jouaient la comédie italienne. Et tout ça pendant la parution du traité des Lambrinzi, qui est finalement un traité pédagogique, qui utilise l'image d'une certaine façon pour développer ou faire connaître les danses de l'époque. Du point de vue du répertoire, la présence de la danse se révèle depuis les débuts de la troupe dans les nombreuses comédies italiennes à Canova que Luigi Riccoboni propose aux Parisiens. Répondant aux exigences exprimées dans le règlement que l'on a cité, dans le répertoire des pièces italiennes, nous trouvons différents moments dansés. Il peut s'agir d'un bal en tant qu'épisode diégétique, comme celui masqué offert par le jaloux Lelio à sa femme dans l'italienne Marie à Paris en 1716, et tout centré sur un jeu à la fois pantomimique, gestuel et chorotique. Vous en avez l'extrait, c'est le numéro 1, je ne m'attarderai pas à le lire. Ou alors il peut s'agir des divertissements comme ceux dont on trouve énormément de traces dans les arguments des pièces italiennes parmi les chroniques de l'époque. Malheureusement autant laconiques que les didascalies des scénarios italiens. Dans ces cas, la danse est mêlée au chant et à la parole. Dans le nouveau répertoire français qui commence à être représenté à partir de 1717 et qui se juxtapose au répertoire italien, de nombreux divertissements contribuent au succès des pièces. Une grande partie en est enregistrée dans les requêtes de Jean-Joseph Mouret, qui était le compositeur attitré de la comédie italienne de 1718 à 1736, les comédies françaises en sont garnies, ainsi que les parodies, notamment celles des tragédies lyriques, évidemment. Dans le premier cas, il suffira de mentionner le divertissement qui achève la surprise de l'amour, composé par plusieurs menuets. Et dans le cas des parodies, on part souvent de l'expression caricaturale de la danse, qui vise à se moquer des chorégraphies des hypotextes. Mais, et comme je proposais la question à Bertrand aussi, il serait intéressant d'analyser plus ponctuellement sa fonction dramaturgique, non seulement au second degré, c'est-à-dire dans la relation avec les morceaux parodiés, mais aussi en tant qu'expression artistique en soi, qui participe de ce qu'on peut appeler le faste, de mon point de vue, des parodies italiennes. Des pièces du conte fait, déjà comiques et à musique, donc déjà faites. Or, jusque vers les années 20, la danse reste strictement liée au divertissement qui cible les pièces et qui ne sont pour la plupart liées aux intrigues que dans la mesure où ils sont des moments de réjouissance. Au commencement des années 30, les choses semblent sensiblement changer, conformément aux nouvelles exigences esthétiques qui commencent à s'imposer dans le domaine des tersicores grâce aux travaux de Marie Salé d'une part et de Weaver en Angleterre de l'autre, mais aussi de toute une spéculation esthétique et de recherche qui faite par Dubos, lui Riccoboni, en France. La pantomime, donc cette redécouverte du théâtre ancien, semble devenir le moyen par lequel la danse peut arriver à s'affranchir définitivement du théâtre parlé. Les expérimentations foraines montrent d'ailleurs cette possibilité vers une théâtralisation de la danse à la recherche d'un art expressif autonome, d'un art à part entière, dans le sillon de ce que John Weaver, en Angleterre, avait postulé une vingtaine d'années auparavant et de ce que Marie Salé essayait vainement de proposer, et que Nover arrivera seulement plus tard à imposer sur la scène officielle de l'opéra, pas au foire. Cette exigence s'est manifestée aussi en tant qu'opposition-réaction à la virtuosité répandue et au védétariat des danseurs de l'opéra. En fait, pendant les années 20 et jusqu'aux années 40, le style de la danse théâtrale avait radicalement changé de visage, passant du style terre-à-terre qu'il avait caractérisé au XVIIe siècle et pendant les deux premières décades du XVIIIe, à un style où la virtuosité du saut périlleux, des pirouettes, des entrechats, toujours plus compliqués, allait avec le goût nouveau des Parisiens et le nouveau sentiment du corps. C'était le règne de la Camargo et des Barbarines. Rien n'étonnant donc si cette recherche trouve une place importante à l'hôtel de Bourgogne, où la pantomime et la danse faisaient toutes deux déjà partie du langage propre aux acteurs italiens. Langage qui va particulièrement se développer grâce au travail de François-Antoine Valentin Riccoboni, dit Lelio le Fils, fils du célèbre capocomique, qui avait eu certainement l'occasion de réfléchir longtemps avec son père sur le potentiel du jeu pantomimique, comme de la danse avec sa mère. Personnage central du théâtre des Italiens à cette époque, François était un auteur prolifique, notamment dans le domaine des parodies. Il était un extraordinaire acteur, capable de jouer en italien, à l'impromptu et en français. Il chantait fort bien. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, il était le plus grand danseur et maître de ballet de l'Hôtel de Bourgogne pendant les années 30 et 40. Il avait fait ses premiers essais dans la danse au Collège des Jésuites, lui les grands, et après de sa mère, auprès de sa mère Elena Balletti. Il fut également un élève de Marie Sallet, avec laquelle apparemment il devait rien de moins que se marier, pendant la première moitié des années 30. Et il devine ensuite maître de la suivante génération des danseurs et chorégraphes de la comédie italienne. Sa production compte un grand nombre de divertissements, mais son activité est extrêmement importante par le fait qu'il est l'auteur des premiers ballets pantomimes qui furent dansés à la comédie italienne. Les filets des volcans, le 5 mai 1738, l'Orphée, le 12 décembre 1738, et les Muses rivales, 17 septembre 1739. Il faut souligner que dans les trois cas, il puise dans la mythologie, ce qui semble révéler, soit dit en passant, que la danse pantomime, à l'époque de sa définition, nécessite des sujets immédiatement reconnaissables par le public, d'une façon telle, en somme, que le manque de paroles n'invalide excessivement la fruition du spectacle. Et il faut souligner en deux mots, faute de temps, qu'en tant que ballet composé par le geste et la danse, donc sans la parole dans ce cas-là, il demeure l'exemple par excellence d'un genre artistique parfaitement codifié, bien avant la production de Jean-Georges Lanvert. La réalisation scénique démontre par ailleurs la présence d'une régie extrêmement raffinée de la part de François Riccoboni, où converge un savoir dramaturgique, musical, pantomimique, une connaissance du décor liée aux fonctions dramatiques et évidemment un savoir chorotique. Les filets et Orphée faisaient partie de deux ambigus comiques, où les deux pièces gardaient pour autant leur propre autonomie dramaturgique. A contrario, les Muses rivales, le troisième de ces ballets, montre une différence substantielle. Il s'agit toujours d'un ballet mêlé des danses et des pantomimes, mais cette fois-ci, il est strictement lié à une pièce de Louis de Boissy, Les Talents à la mode, avec laquelle il semble avoir été conçu dans un ensemble homogène. Le Talent à la mode, dont vous avez le résumé, c'est l'extrait numéro 3, que je évite de vous lire, est une comédie en trois actes et en vers libre. Il s'agit d'une pièce d'actualité. Elle transpose au théâtre le débat artistique et le débat des sociétés entre la nouvelle musique et l'ancienne, donc Lully, en gros, versus Rameau, entre la danse terre-à-terre des traditions françaises et la danse haute, plus proche à la tradition italienne. Voici donc Isabelle, Lucinde et Mélanie, trois filles de Géronte, qui incarnent respectivement les trois talents de la poésie, du chant et de la danse, exactement, si on le rappelle, les trois arts qui figuraient dans l'apprentissage de Mademoiselle Clairon. De plus, elle privilégie le chant orné sur le récitatif soporatif, c'est eux qui le disent, de Lully, ainsi que la danse haute par rapport à la danse terre à terre. Voici donc Géronte, leur père, qui s'oppose à leur goût, inventant la qualité et le style de Lully, ainsi que la danse de Pecourt. Voici enfin Léandre, Joseph joué par François Riccoboni lui-même, qui rassemble tous les trois talents et qui rencontre les trois demoiselles pour choisir celle à qui donner son cœur. À la scène finale, les trois sœurs se retrouvent ensemble avec Géronte et Léandre. Celui-ci ne décidant pas à laquelle des demoiselles se consacrer, c'est Mélanie qui propose, je cite, « Attendez, il me vient une bonne pensée de finir la dispute. Elle m'offre un moyen qui parouait les plus simples et même les plus sages. Pour juger quel talent doit avoir l'avantage et couronner l'une de nous, il faut qu'elle lisse il entre tous. Si vous voulez la prouver l'une et l'autre, chacune nous pouvons faire briller le nôtre tout à l'heure dans un ballet dont je conçus le plan et qui vient au sujet. Ce sont les trois muses rivales, différentes de goût, mais un mérite égal. Celles dont mon art a fait choix sont Melpomène, Erato, Tersicore, qui se disputent à la fois l'honneur de soumettre à leur loi un génie agréable au plus léger encore. À Isabelle, vous serez Melpomène. À Lucinde, vous serez Rateau. Moi, je serai la muse de la danse. Léandre, le génie enclin dans l'inconstance, qui volera tout autour du trio. Celle des noms, dont l'art et la puissance près d'elle fixeront ce sylphe favori, obtiendra la victoire et l'aura pour mari. Bon, la pièce, donc, de nous, par un pantomime dansé comme ceci, est remarquée dans le livret lui-même. Celui-ci contient également la description de l'action chorotique que je voudrais transcrire dans l'exemplier et qui demeure la rare trace du ballet. Après avoir été attiré par le charme de Melpomène et d'Erato, le génie est vaincu par Tersicore et par la plus séduisante des talents, la danse. Sur un plan allégorique, le ballet est une poursuite de la dispute entre les trois sœurs, mais lorsque dans la pièce, la relation entre elles et leur père est aussi le porte-voix d'une dispute entre les arts modernes et le conservatisme des gérantes, dans le ballet, il ne s'agit que de la suprématie de l'une des trois arts. La victoire de Tersicore témoigne alors à la fois du choix de Léandre pour Mélanie, mais aussi celui du génie pour la danse. Or, bien qu'il semble être introduit par le moyen traditionnel des divertissements, des nombreuses pièces de la comédie italienne, le ballet des François ne se contente pas pour autant d'être un simple divertissement, tel que ceux auxquels nous sommes habitués. Il n'est pas non plus un simple moment de réjouissance, comme pour les divertissements que nous avons évoqués ci-avant. Il se charge au contraire, ce qui me semble très important, d'une fonction dramaturgique, étant expressément le dénouement de la comédie. De ce point de vue, il fait partie intégrante de la pièce. La question qui se pose et que j'essaie de vous poser, qu'on puisse la développer, est-ce que nous pouvons parler effectivement alors d'un ensemble homogène qui représente un spectacle composé, réalisé par la comédie et la danse? Pouvons-nous le considérer un spectacle unique ou justement comme un genre mixte? Sur un autre registre encore, il faut souligner qu'on parle d'un ballet pantomime, donc qui s'encadre dans le parcours de recherche du langage autonome de la danse, parcouru par l'auteur, c'est-à-dire d'un ballet qui ne contemple pas la parole et qui lui remplace le geste expressif. Quel rôle a donc la danse pantomime dans ce spectacle? Est-ce que nous pouvons prendre cet ensemble comme l'un des premiers spectacles mixtes composés avec un ballet pantomime et non pas comme auparavant avec un ballet mêlé des chants et des danses, qui se déroule à travers un passage délicat qui s'opère de la pièce en vers à la danse en pantomime? Et donc ici, pour retrouver une sorte de retour à cette fusion dont on parlait auparavant, entre la comédie justement et le ballet pantomime, donc le deux arts. Si cet ensemble peut représenter le monument de rencontre entre poésie et danse et pantomime, entre Tali donc et Tersicore, il ne demeure pas moins le document de la variété expressive attente par les Italiens à Paris au milieu du XVIIIe siècle et des habiletés de certains membres de la troupe, dont notamment celle de François Riccoboni, vraie vedette de la soirée, dans le silon de la tradition désormais séculaire des comici professionnisti italiani. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces belles réflexions, tout à fait stimulantes de par leur ouverture. Oui, alors c'est question de vase, est-ce que c'est homogène? Est-ce que c'est composé, mais est-ce que c'est composite? Où est le fil conducteur? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il est détruit? Ou au contraire, est-ce qu'il est renforcé par cette pluralité médiatique, finalement, sur une scène de théâtre tout à fait intéressant? Alors, quelques réflexions, parce que comme l'heure passe, je ne voudrais pas monopoliser encore la parole. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est d'une part effectivement la présence dans la comédie italienne, la présence massive depuis le début de la danse dans l'art du théâtre. Et quand on dit danse, peut-être c'est pas clair pour tout le monde, il ne s'agit pas de ce qu'on entend aujourd'hui au sens étroit du terme par la danse, et encore moins évidemment avec un petit tutu ou des choses comme ça. C'est vraiment tout ce qui est le langage du corps et des mouvements et des postures et des gestes du corps. Alors de quel type de danse s'agissait-il? Évidemment, d'un investissement du corps, d'une gestuelle, d'une mimique, de posture, à l'instar des Lazzi. Et le recueil de Lambranzi que je fais circuler est tout à fait intéressant parce qu'il montre à la fois par le petit texte, le descriptif qui se trouve dans le cartouche, le type de mouvement et de gestuelle que l'on peut avoir, qui est brièvement évoqué, qui est tout à fait intéressant parce qu'il montre qu'il y a une très grande souplesse. Dans certains cas, les types de pas sont prescrits, dans d'autres, Lambranzi dit vous faites absolument comme vous voulez, vous êtes égal. Il faut simplement, Harlequin, Polichinelle, évidemment, il faut simplement qu'il fasse des choses spontanées et drôles et gaies. Et Scaramouche, au contraire, il est ridicule, donc il faut qu'il fasse des pas trop grands. Mais, donc on a une très grande flexibilité de cette dramaturgie, finalement, qui est, là, pour le coup, pragmatique. Elle s'adapte aux acteurs que l'on a, aux situations que l'on a, au public que l'on a. Bon, ça, c'est clair. Et puis, bien sûr, quelque chose de plus élaboré, à l'instar des Lazzi, qui fonctionnaient vraiment comme des mini-pantomimes. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est le témoignage attesté et très tôt d'une exigence de qualité professionnelle, d'où la formation, les cours pratiqués aux jeunes acteurs. Alors moi, je ne savais pas que même au sein de la Comédie italienne, il y avait des cours de danse et que François Recoboni avait été élève de la danseuse Marie Salé. On est frappé bien sûr par la polyvalence des artistes, par leur très haut degré de technicité, on l'a déjà mentionné, le fait qu'ils savent tout faire, qu'ils sont inscrits dans un système de formation qui précisément va dans cet objectif. Je suis frappée par le poids des dynasties familiales parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Allemagne, alors qu'il n'y a pas d'artistes locaux, en tout cas qui arrivent à émerger avant la toute fin du XVIIe et plutôt le XVIIIe siècle, et ça sera plutôt dans l'Allemagne du Sud. Mais les dynasties familiales, c'est quand même beaucoup des Français et des Italiens qui s'installent dans l'espace germanique et puis évidemment qui souvent vont se marier, s'installer et créer des dynasties hybrides, d'artistes hybrides. Et puis, très important de ne pas sous-estimer le poids de la formation dans les collèges jésuites. Hein. Alors, c'était donc le cas pour Recoboni, vous en avez parlé, je crois. Mm-hmm. Et donc, le jeune Nover, eh ben, un des acquis du récent colloque sur Nover qui a été organisé il y a 2 ans, ça a été découvert par une jeune musicologue, Marie de Meillet. C'est que Nover, elle n'a pas commencé sa carrière comme on le croyait au Théâtre de la Foire. Enfin, il a bien travaillé au Théâtre de la Foire, mais il avait commencé déjà chez les jésuites en 1941-1942. Donc ça, c'est très important pour le type de personnage allégorique, pour le type de gestuelle aussi qu'on peut développer et pour les configurations de personnages aussi qu'on retrouve. Alors, le type de danse également, c'est tout à fait intéressant, mais je venais d'en parler. Bon, le menuet sur une scène, quand c'est à plusieurs reprises, hein, je crois, dans ses talents à la mode, il y a aussi un tambourin, la fête finit par un tambourin. Mais quand il y a des menuets, ça signale quelque chose, cette irruption d'un menuet sur une scène foraine. Et tout le problème, c'est qu'on n'a rien pour reconstituer concrètement la performance, puisque c'est chaque performance, elle est unique. Et pour ce type de danse, on a rarement des notations chorégraphiques. Enfin, bon, je ne suis pas Marie-Françoise pour me contredire, mais je ne crois pas. Et donc, effectivement, là, on est en présence d'un blanc dans l'interprétation. On ne peut pas savoir s'il s'agit d'une parodie au sens non critique, c'est-à-dire d'un hommage éventuellement rendu à une pratique aristocratique ou noble ou distinguée, ou bien quelque chose avec une visée plus satirique et plus critique. Donc, bon, ça peut aussi tout simplement servir à la loi du contraste qui est propre au genre comique. Là, il suffit de revenir au Bourgeois gentilhomme de Molière et la fameuse scène du menuet qui a été désastreusement illustrée dans la dernière mise en scène qui avait fait fureur. C'était quand même la loi du contraste. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, c'est quand même cette dynamique qui fait que progressivement, le ballet et tout ce qui est de l'ordre de la danse et du geste et du non-verbal va prendre de plus en plus d'importance. Et mon questionnement, c'est comment est-ce qu'on va passer d'un geste ou d'un mouvement du corps qui, au début, pouvait ne faire qu'accompagner la parole, la souligner, à un geste qui va être en soi expressif et qui bientôt va remplacer totalement la parole. Et là, je crois qu'il y a des choses vraiment fondamentales qui se passent, à mon avis, au milieu du XVIIIe siècle, mais il faudrait encore nuancer ça suivant les espaces culturels. Alors, cette émancipation et cette dynamique d'autonomisation des genres et des expressions esthétiques, pour la danse, elle peut évoluer vers la danse pure, c'est-à-dire un très grand degré de virtuosité, qui sera décrié par Nover comme étant une mécanique vide d'âme et de sens. ou au contraire vers la danse d'expression par le biais de la pantomime qui va aboutir au ballet d'action. Alors ce qui est tout à fait intéressant, même si c'est évidemment un autre contexte, c'est que c'est quand même, on a au début du XXe siècle en Allemagne, un mouvement qui s'appelle Ausdruckstanz, la danse d'expression, et qui veut revenir à quelque chose qui va parler au sens et qui ne va pas parler à l'intellect par le fait de reconnaître l'observation de règles ou une virtuosité, etc. Hein. Alors cet exemple choisi, les muses galantes, me paraît très instructif et révélateur d'un système qui est sciemment pensé par Riccoboni, où la danse ne vient pas simplement comme ornementation superficielle, c'est-à-dire superflue, in fine, mais se charge d'une fonction dramaturgique, puisque dans la querelle des arts qui est mise en discours dans le cœur de la comédie par le texte, donc par le biais de la parole, c'est quand même à la danse finale et au ballet que revient la tâche d'illustrer le sujet, c'est-à-dire la rivalité des muses, qui, échappant à la solution possible d'une égalité des arts dans la diversité, après tout il y a l'art de la versification, il y a la musique de la danse, va choisir d'affirmer une hiérarchie à travers la suprématie de la danse sur la musique et l'art de la versification. Alors, est-on en présence d'un tournant ? Est-ce qu'il faudrait travailler sur un corpus plus important de pièces pour pouvoir l'affirmer ? Bon, ce qui m'a frappé, et là vraiment en vous écoutant, c'est que ce schéma de la rivalité des muses, ça reprend un sujet qui a été très fortement traité durant toute la première moitié du XVIIe siècle, et même en Allemagne au milieu de la guerre de 30 ans, c'est le jugement de Paris. Et là, on est quand même bien dans un thème mythologique qui a été modernisé. On reprend les muses, on en fait des jolies filles à cohorte qui sont dotées chacune des compétences ad hoc. Mais c'est vraiment le thème et la structure même du jugement de Paris qui potentiellement peut être tragique, hein, parce que le jugement de Paris, ça déclenche un conflit quand même, la guerre de Troie, hein, qui ici n'aura pas lieu, même si le génie a choisi de choisir la danse. Hein. Alors, si je reprends quand même aussi des réflexions d'une chercheuse italienne, je ne sais pas si vous la connaissez, Paola Martinuzzi, qui a écrit des choses très intéressantes, c'est qu'à l'intérieur de ces spectacles scéniques qu'on va provisoirement continuer à dire mixtes, on va assister progressivement à une inversion des proportions entre les parties parlées et les parties qui ne sont plus parlées, c'est-à-dire qui sont chantées, donc c'est encore parlé mais avec de la musique, et les parties qui sont dansées ou mimées. Et si on se souvient, Molière, dans l'avertissement de sa pièce Les Fâcheux, avait dit « Je me suis avisé de les coudre ensemble, c'est-à-dire les morceaux, hein, les intermèdes dansés, les actes et les scènes de ma comédie, je me suis avisé de les coudre ensemble du mieux que j'ai pu. » Eh bien, dans les exemples cités par Paola Martinuzzi, c'est l'inverse, il y a un ballet qui est coupé de scènes parlées. Alors, je trouve que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, en parallèle, le code chorégraphique qui était quand même pendant longtemps un simple agrément, un ornement plaisant, qui pouvait aussi certaines fois servir de manière très pragmatique à changer de costume et choses comme ça, devient le tissu qui va porter la signification du spectacle. C'est-à-dire que, de facto, la parole se voit destituée de son rôle central. Et ça, alors, pour l'espace germanique, c'est essentiel parce que notamment dans l'espace nord-germanique, il y a vraiment une très très grande insistance placée sur le poids du logos de la parole par rapport au corps. Et le corps est quand même frappé d'une très grande hostilité, on va presque aller jusqu'à la haine, et en tout cas d'une très très grande hostilité qui fait qu'on va toujours privilégier la parole pour exprimer des contenus. Hein. Et puis, ce qui me paraît intéressant dans ces spectacles, c'est que de la fragmentation qui caractérisait la place de la danse dans les pièces et dans les spectacles, il y avait des petits morceaux de danse, c'était des petits noyaux, des petits fragments, qui évidemment n'étaient pas toujours en relation avec le centre. Donc, à l'Opéra de Hambourg, les théoriciens vont critiquer en disant « mais c'est complètement stupide, c'est un sujet tragique, et puis on vous met une danse de jardiniers qui sont là en train de gambader dans la nature avec des fleurs. » Bon, ça détruit tout le tissu du tragique. Donc de cette fragmentation, on va passer à la construction d'une véritable dramaturgie, c'est-à-dire un ballet qui va être véritablement narratif. Et François Riccoboni va proposer au théâtre italien, alors là il s'agit des Filets de Vénus, un ballet pantomime qui est un ballet figuré, qui propose un développement narratif de l'action, tout en gestes dansés. Et là, l'entrée caractérisée, c'est un moment où Mars et Vénus vont danser ensemble sur un air léger, une espèce de dialogue très bien exprimé qui marque le commencement de leur tendresse mutuelle. Et donc là, on va passer de l'illustration. Alors ça, c'est quelque chose que moi, j'ai un tout petit peu théorisé dans mes travaux. En fait, on va passer de quelque chose qui relevait encore d'une illustration, de situations convenues, d'actions également bien répertoriées, suivant le principe de la peinture, hein, ut pictura saltatio, donc la danse est un tableau vivant, à une figuration et puis lentement à une expression. Et cette expression, elle va beaucoup plus tabler sur une individualisation de cette expression, qui va la rendre évidemment plus compliquée à comprendre aussi, hein, puisque, comme vous le disiez aussi, il faut connaître les sujets, puis il faut connaître non seulement le sujet global, mais le déroulement, etc. Et puis, qui va mettre en œuvre d'autres ressorts. Voilà. Alors, j'avais prévu de vous raconter d'autres choses, mais je préfère m'arrêter là pour laisser la place à des questions. J'ai une question, si je peux la poser. Est-ce que le terme de l'intitulé de genre générique de ballet pantomime évolue? Et à quel moment? C'est une bonne question, celle-là, parce que si, dans le sens que... après, il faudrait voir ce qui se passe aussi en Angleterre, je pense, parce que là, c'était divertissement pantomime, ballet pantomime. À un moment donné, je pense que c'était Nevers aux années 60, mais je demande peut-être... Justement de ballet d'action. Voilà, c'est lui qui change la définition. Voilà. Donc c'est bien une question de hiérarchie des... Exact, donc c'est lui, mais c'est aux années 60 qu'il commence à parler ballet d'action. Voilà. Parce que l'action, ça va faire à la rhétorique. Exactement, donc c'est son, oui, c'est, oui, voilà, c'est son travail un peu de... Oui, oui. Mais bon, pour en revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, je veux bien qu'on parle de Nevers, hein, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu avant Hilvadink, qui était formé chez Blondie en France, et puis il y a eu Angiolini, exact. Et Angiolini c'était la danza teatrale, on connaît bien son conflit avec Nevers. Et ça ne m'étonnerait pas qu'Hilvadink ait vu de spectacles à la comédie italienne. Donc il y a tout un parcours, donc... Oui. D'où l'importance de cette mobilité des artistes à la fois géographique, exact. Et de cette porosité des niveaux de style et des genres qui favorise un brassage des styles et qui après va nourrir des querelles en esthétique invraisemblables. Exact. Mais comme l'autre passage fondamental, je pense, qui réunit l'Italie, la France, l'Angleterre et encore l'Allemagne, c'est le parcours qui fait la Barbarina, qui c'est pas un hasard, qui arrive en Allemagne et danse avec Nevers. On est aux années 1744, et donc là c'est clair, on pourrait reconstruire le parcours des influences sur Nevers, avant Nevers, à travers, oui, moi j'ai dit à travers les acteurs danseurs italiens, mais pas seulement, évidemment. Alors, à Berlin, elle ne danse pas avec Nevers, elle danse dans les mêmes pièces que Nevers. Oui. Mais Nevers danse avec Madeleine Lany. Oui, c'est vrai. Il a dansé dans les mêmes œuvres. Oui, que, oui, qu'elle. voilà. Mais pas avec c'était elle, le Pygmalion, n'est-ce pas? Il y a aussi des opéras de Crown et d'Astase. Et donc, oui. Oui. Dans votre communication, il y a un terme qui me semble particulièrement important, c'est celui de la théâtralisation. Au moment où la danse est théâtralisée, est-ce qu'il y a un glissement entre la danse des salons, qui en effet était représentée sous les théâtres, on sait très bien les jeux des miroirs, particulièrement à l'époque de Louis XIV, entre la danse des salons et la danse à l'opéra. Est-ce qu'il y a un glissement progressif où on abandonne, là on voit quand on parle des minuets, des contredanses, etc. Est-ce qu'il y a un glissement et un progressif abandon de la danse des salons pour créer une danse pantomime qui est autre chose? De ce que je peux voir, non. C'est-à-dire que la danse des salons, donc le minuet, donc, continue à être dansée. Que je me demande par contre si dans les danses, en fait, comme ils étaient composés exactement les ballets pantomimes eux-mêmes, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des parties où il y avait le menuet qui passait à la pantomime ou non? Parce qu'à chaque fois qu'on parle, oui, mais ce sont des, enfin, parce qu'à chaque fois, c'est la chorégraphie était faite exprès ou non? Et en tout cas, bon, pour revenir à nous, c'est, effectivement, non, ça reste comment dire, un moyen de divertissement, le menuet comme d'autres danses, dans les divertissements de la comédie italienne jusqu'à vers la. Dans toute l'expérience de la comédie italienne. Donc ça reste. Isaki est quand même, enfin toutes ces danses de bal, on dit plutôt les danses de bal, Isaki a un caractère de grande technicité quand même. Hein. Mm-hmm. Nover, il va reprendre des menuets, des contredanses sur scène, mais il va mettre en scène 30 couples par exemple, ce qui est extraordinairement compliqué à gérer au sein d'une tête, d'une scène, même quand elle est grande. Mais sinon, c'est là que des documents nous manquent pour savoir reconstituer la manière dont s'enchaînaient les parties de danse pure entre guillemets et les parties de danse plutôt pantomimées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les expériences d'Angiolini, parce que l'exemple type pour moi, c'est Orphée. Et là, dans ce que vous avez cité, il y a Orphée. Et la légende d'Orphée et Eurydice, pour illustrer le pouvoir d'Orphée sur les animaux et sur les éléments de la nature, il faut qu'il y ait de la pantomime. On ne peut pas faire ça avec un menuet, ce n'est pas possible. Et là, je me demande, mais comment est-ce qu'il a fait ça? Et évidemment, on n'a pas de traces. Malheureusement, on n'a pas de... autre que des descriptions. Il ne faut pas quand même assimiler la danse qui est en scène à la danse qu'il y a au bal, même à l'époque de Louis XIV. Le vocabulaire est commun, c'est vrai, mais dès que vous passez dans la spectacularisation, la mise en scène est complètement différente, la mise en œuvre est complètement différente. Les danses de bal sont extrêmement simples, alors que dès qu'on est dans le spectacle, on est dans autre chose. Oui, mais est-ce qu'on peut imaginer les mêmes rapports entre les théâtres des sociétés, par exemple, et les théâtres, disons, professionnels? Donc, il y a un regard et une relation qui pourrait être analogue. Par contre, là, peut-être que ça, il y a aussi la professionnalisation des danseurs eux-mêmes. Donc, le théâtre de société, oui, mais le théâtre de société... et donc, peut-être, donc, la danse des salons, c'est une danse des... dilettante. Dilettante. Oui, d'amateur. Pardon, donc, d'amateur, c'était... Donc, je pense que, oui, effectivement, il y a la... D'amateur très éduqué. Oui, mais toujours d'amateur. Le raffinement et quand même une certaine simplicité. Il ne travaille jamais ni les tours, ni les sauts. Voilà. Mais... Et notamment, je pense... Il ne danse pas du tout dans les salons. Les danseurs, sur scène, ne dansent pas du tout. Non, je ne pense pas non plus. Et d'autant plus qu'il y avait... c'était nécessaire même la formation physique, donc j'imagine pas Madame de Pompadour être assez douée ou quoi que, je ne sais pas. Enfin, même, oui, voilà, donc c'était juste, je pense qu'il y a effectivement un jeu des miroirs entre effectivement la société. C'est pas un hasard en fait qui est plein, justement, mais même la pièce Les Talents à la mode, effectivement, met en scène ce qui s'est passé dans les salons des sociétés. Donc il y a effectivement ce jeu de reflets, mais je pense qu'il y a effectivement une vraie différence entre ce qui s'est passé sur le plateau et dans les salons, en fait. Par contre, c'est vrai que, là, si je me souviens bien, effectivement, mais François Riccoboni continue pendant toute sa carrière qui se développe jusqu'aux années, fin des années 40, effectivement, il continue dans ses déménouées, des sarabandes. Donc, en fait, effectivement, ce type de danse reste, dans la dramaturgie du côté chorotique de la comédie italienne. Oui. Merci, compagnie. Ce sont des questions basiques, hein, mais je voulais savoir si le statut de l'acteur-danseur et de danseurs-là qui ont des compétences particulières, donc qui ont peut-être une différence dans la hiérarchie de la troupe, par exemple, et c'est mieux aussi à Bertrand Porot, c'est-à-dire combien sont liés ces acteurs ou tous ceux qui participent et les acteurs de la comédie française ou de... Est-ce qu'on le sait et est-ce qu'on a des documents c'est ce serait intéressant de voir justement le degré de professionnalisme recherché et la façon dont le public le roi récompensait Bon, c'est une question assez complexe, effectivement. Bon, les sources qu'on peut avoir sont les registres en fait de la comédie italienne pour savoir ce qui s'est passé. Bon, je les ai vus tous. Mais il n'est, comment dire, mention pas des dépenses sur des plus, comment dire, pour les acteurs qui sont sociétaires. Alors qu'on trouve au contraire des dépenses pour des gagistes danseurs, etc. Donc sur combien ils étaient payés, si c'est plus ou moins des autres, franchement, je ne sais pas. Au contraire, le statut en tant qu'auteur, auteur danseur, François Riccoboni, mais comme aussi Romagnès ou Biancolé Liavalui, était non seulement acteur danseur, mais maître de ballet, auteur. Donc, c'était un statut effectivement particulier qui, dès que je sache, ne lui donnait pas une puissance, il n'était pas directeur de la troupe, donc il était comme les autres. Mais effectivement, il avait un poids, donc ce n'était pas institutionalisé, parce qu'après la sortie de Luigi Riccoboni, on n'a plus le directeur de la troupe, donc tout est partagé par un régime des parts, donc par un tiers, demi-part, etc., exactement comme la Comédie française. Et donc lui, il avait sa part entière, parfois non, parce qu'il sort, il rentre, il fait un peu de bagarre. Et donc du côté institutionnel, non. Par contre, il avait effectivement une sorte de pouvoir sur les choix du répertoire. Donc, évidemment, comme c'était lui qui décidait dans l'assemblée avec les autres acteurs ce qui devait être joué, en fait, effectivement, comme il était auteur des parodies, des comédies, etc., et notamment des ballets, c'est clair que lui, il va imposer une certaine tendance, une certaine directrice au spectacle de la comédie italienne. Donc, pas, je pense, institutionnalisé, mais là, il faudrait vraiment aller un peu dépouiller les documents d'archives et les registres plus attentivement. Et puis, surtout, voir les différences entre un acteur dans un spectacle et un autre qui danse excellemment bien. Et c'est difficile, parce que là, que je sache, c'était vraiment une question des parts. Donc, moi, que je sache, les autres... Et après, il y a un statut particulier pour les Italiens, parce que dès quand ils arrivent, ils savent déjà chanter, danser. Donc, qui était mieux de qui, en fait Et c'était dans le règlement que je lisais, Luigi Riccoboni renonçait au bénéfice qu'il aurait pu avoir de la danse de sa femme, on dit, c'est-à-dire de la danse qu'allait faire sa femme. Donc déjà, dans le statut d'origine, on met tout au même niveau. C'est-à-dire, peu importe si on est aussi décorateur ou si on est danseur. Étant donné que le système de fonctionnement de la troupe est un système où il y a des actions, si tu veux, donc une coopérative, et chaque acteur a une action, mi-action, demi-action ou un quart d'action. Donc, il n'y a pas un salaire qui est établi, mais c'est une répartition de ce que la troupe va gagner. En revanche, tu le vois bien à l'Académie royale de musique, hein, où les danseurs, les premiers danseurs, sont payés comme les premiers chanteurs. Exact. Mais j'imagine que même chez les Italiens, il y a une hiérarchie. Non. Non, la hiérarchie, c'est il y a 12 parts, c'est-à-dire la troupe est composée de 12 parts, et il y a un fractionnement des parts qui en réalité est dû à l'arrivée, à la période où on reste, à l'exigence de la troupe. Il n'y a aucun changement. Non, non, je ne pense pas. Au contraire, par contre, ça me pousse à une réflexion intéressante, je pense. Et c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de contraintes, comme à l'opéra comique. Donc, les choix de répertoire, ce qu'il faisait François Riccoboni, était un choix libre. Donc, c'était vraiment une esthétique qui partait de sa réflexion, sa propre réflexion à lui. Donc, il y a une dramaturgie qui se développe, non seulement par des contraintes, donc comédie à la muette parce que la comédie française nous impose de ne pas parler, mais simplement parce qu'il y a effectivement spéculation intellectuelle, voire esthétique derrière. Et ce qui est intéressant parce que comme on manque de sources pour tous ces personnages comme François Riccoboni, mais je pense aussi à Daes qui a été méprisé ou disons négligé, parce qu'il n'arrive pas, comme Nevers dans la danse, à écrire. Alors, comment faisons-nous pour découvrir qu'est-ce que c'était leur activité intellectuelle, esthétique? Ça peut être intéressant comme source, comme élément de réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, prises de position, compléments d'information? Disons comme complément d'information pour rebondir peut-être sur Deès, signaler l'article de Nathalie Lecomte qui a fait Deès, un très bel article qui permet d'être bien informé à partir des éléments qui ont survécu effectivement regret, mais il y a quand même... Oui, si, si, il y a plein d'arguments aussi de ballet des déesses. En fait, on n'en a pas parlé, mais Daes, déjà, je pense qu'il était bien un élève de François Luc Aubagnon. Ça, c'est toujours mon phare dans la nuit. Et oui, mais effectivement, c'est lui qui développe énormément après la comédie italienne, développe. Et il arrive vraiment à créer la traduction, je dirais, mais en tout cas, la traduction d'une tragédie en termes pantomimiques. Donc, bien avant, comment dire, Angeline et Olive Harding, non ? Oui, oui, oui, oui, donc c'est Merci. Merci. Je crois qu'on va pouvoir terminer. Merci. Merci, c'était passionnant, très riche. On pourra s'interroger peut-être aussi sur la question de la vraisemblance. Ça, c'est une question qui me... On n'a pas beaucoup parlé du style. Oui, voilà, on n'a pas beaucoup parlé. Il faudra peut-être revenir lors d'une prochaine séance sur la danse et sur peut-être cette opposition entre spectacle composite et spectacle composé, sur des questions plus proprement liées à l'esthétique, comme par exemple, est-ce que ça construit la vraisemblance ? Est-ce que ça construit au contraire de l'artifice ? Comment est-ce que ce type d'interaction et d'intermédialité permet de penser l'évolution du genre théâtral vers le naturalisme, voilà, ou au contraire, à l'inverse, vers l'artifice. Je pense qu'il faudra peut-être s'interroger sur ce type de questions lors d'une prochaine séance, mais là c'était déjà excessivement riche. Merci beaucoup à vous deux et à Bertrand Porot, à qui vous transmettrez notre admiration. Voilà. On se retrouve donc le 19 février autour de